Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dialogue d'auteur, le podcast qui fait parler les scénaristes tous les 6 mois. Bon, il va peut-être falloir faire quelque chose à ce sujet. En attendant, je vais vous laisser en compagnie de Sullivan Lepostec, que j'ai eu le très grand plaisir de voir il y a peu, juste après la sortie de sa série, dont il est donc le créateur et le scénariste unique, Les Engagés, que vous pouvez toujours voir sur Studio 4. Alors, vous vous en rendrez compte sans difficulté, vous en êtes déjà sûrement rendu compte en téléchargeant le fichier, c'est un podcast exceptionnellement long. Sullivan et moi-même sommes assez bavards. Il y avait beaucoup de choses à raconter, à la fois sur le projet Les Engagés, sur la façon dont il a été créé et dont il a évolué, mais aussi sur le parcours de Sullivan. Mais je pense que vous n'allez pas regretter l'écoute. Et tout de suite, Sullivan Lepostec. Alors, qu'est-ce que ça fait de faire sa première série, Sullivan ? Ah bah c'est plutôt cool hein, dans l'ensemble. non, c'est chouette. Ce qui est particulièrement intéressant / émouvant, c'est que c'est pas n'importe quelle première série en fait, que c'est un projet que j'ai vraiment voulu faire très très très fort et que j'ai porté pendant longtemps. Et du coup, dans un marché français de la télé qui est plutôt structuré par la commande, j'entends par la commande de producteurs, et où il y a assez peu de projets, d'initiatives, de scénaristes qui arrivent jusqu'à l'écran. Du coup, dans ce contexte-là, c'est particulièrement cool d'avoir réussi à porter jusqu'au bout ce projet-là, qui en plus n'avait pas un chemin à l'écran qui était tout tracé. Justement, moi je suis assez curieux de savoir par quelles étapes sont passés Les Engagés pour arriver à du 10x10, parce que j'imagine que c'était pas du 10x10 au départ. C'est parti comment en fait ? En fait, du coup, quand j'ai écrit le tout premier dialogué, en fait, le point de départ des Engagés, la série, le concept de base naît en 2010, vers la fin du printemps, l'été 2010. Et à cette époque-là, en fait, je développe le projet pour répondre aux appels à projets annuels de la nouvelle trilogie, qui était une case en gros de recherche et développement de fiction sur Canal+, portée par Bruno Gassiot et Gilles Galu, et qui produisait en fait 3 séries par an de 3 fois 30 minutes, donc 3 téléfilms coupés en 3 morceaux, qui se dépatouillaient plus ou moins bien de cet aspect-là. Mais du coup, c'était à la fois c'était du coup une case qui était ouverte. Enfin, c'était même le principe à des gens qui n'avaient pas beaucoup d'expérience dans le domaine de la fiction. Ça, ouais. Et même aucun crédit. C'est ça, a priori, chercher. Enregistré, quoi. Voilà, en vrai, du coup, enfin, voilà. Des fois, ça arrivait. voilà, mais en tout cas, qui n'avaient pas travaillé dans le milieu de la télévision institutionnelle, etc. Et la deuxième chose, c'était qu'aussi, ils cherchaient aussi des choses un peu divergentes en termes de sujets, etc. Donc c'était doublement un truc que je pouvais faire à l'époque où justement, je débutais en tant que scénariste, c'est-à-dire que. Qu'à part me dire que maintenant j'écrivais des scénarios, c'était la seule manière de m'appeler scénariste, évidemment. Et donc cette case, comme je l'ai dit, était structurée par du 3 x 26, 3 x 30. Et du coup, c'est en partie pour ça qu'effectivement, au départ, j'ai développé Les Engagés sur du 30 minutes. Voilà, alors c'était un appel à projet annuel, la nouvelle trilogie, ouais. Qui se faisait, je crois, genre c'était justement à la fin de l'été. Et ils étaient assez réactifs, ce qui fait que je me souviens, c'était du coup en 2010, mais franchement, j'ai l'impression que dès septembre, octobre, un truc comme ça, oui, je sais qu'ils sont pas intéressés. Et en fait, bizarrement, je suis presque content à ce moment-là, puisque je me suis trouvé hyper à l'étroit dans ce format de 3 fois, en fait. Et que déjà, Les Engagés, à ce moment-là, ça a foisonné en termes de personnages secondaires, de possibilités d'intrigue, et que je sens que tout ça, ça gagnerait à s'étendre plus. Donc, ironiquement, évidemment, à la fin, je me retrouve à faire 10x10, qui est la même durée que le 3x10. Mais bon. mais bon, là où la nouvelle trilogie avait une logique de vouloir faire un pilote de série, pour au final, il y a eu une série qui a vraiment perduré derrière, c'était Hard. Finalement, oui, tu te retrouvais à faire un téléfilm. C'était alors ça, que là, bon, c'est un 10x10 qui risque peut-être. Voilà, et d'autant plus qu'à la nouvelle trilogie, avec le temps, plus ça allait, plus il se refermait, en fait, et qu'il disait, bon, on fera un téléfilm et puis c'est tout. Quoi. Voilà. Et du coup, l'automne, ben, je remets les mains dans le cambouis et je retravaille avec l'idée de faire une vraie série. Donc je commence à structurer une saison autour de 10-12 épisodes de 30 minutes. Et du coup, voilà. En fait, sachant que il y a beaucoup de choses qui étaient assez en place, disons que le cœur de la série et des deux personnages étaient assez en place dès l'été, avec une sorte de différence majeure, et le switch se fait là, au moment où j'ai plus que 3 fois 90 et je vais pouvoir développer, qui était que dans ces premiers documents, dans ce que j'ai envoyé à la nouvelle trilogie, Hicham s'appelait encore Maxime. Et du coup, on voit que voilà, il y a une partie de l'histoire qui n'était pas là. Mais Thibaut, je relis la description du perso de l'époque et c'est vraiment le même. Et le cœur du conflit entre les deux est le même. D'accord. Et du coup, ça m'amène en fait tout ça à écrire un dialogué de pilote en décembre 2010. Voilà, sur cette base-là sur quelque chose qui est assez proche de ce à quoi on est fini par arriver à la fin. Et dès 2011, en fait, ce pilote-là, je commence à le faire circuler. Et en fait, à l'époque, Les Engagés m'a ouvert pas mal de portes parce que ça m'a obtenu pas mal de rendez-vous avec des prods, etc. C'est aussi la lecture de ce texte-là qui m'a fait signer avec mon agent à l'automne 2011, entre autres. Enfin, ouais. Et voilà, donc ce projet-là a été une super carte de visite. Mais effectivement, à l'époque, on me disait tout de suite, quand j'avais rendez-vous avec un prod, ah ben, c'est bien. Par contre, aucune chaîne ne me l'achètera jamais, donc du coup, moi, je ne te l'achèterai pas. Mais c'est bien, et puis sinon, on peut parler d'autres trucs. Donc, c'est typiquement le projet qui ne se fait pas, mais qui te permet d'avoir du travail, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, qui déclenche d'autres rendez-vous, d'autres choses, mon premier contrat d'option sur une autre série, etc. Sauf qu'en fait, moi, ce projet-là, il me plaît vraiment, il me parle, il me touche, et puis j'ai l'impression de sentir quelque chose avec les personnages, et du coup, j'arrive pas à le passer par perte et profit, en fait, j'arrive pas à complètement le lâcher. Ce qui fait que j'ai continuellement ensuite. Je suis continuellement revenu sur ce projet en essayant de chercher le trou de souris par lequel il arriverait à sortir. Donc, à ce moment-là, je me rends compte que face au marché, je suis sur un projet dont le sujet est difficile. C'est des militants LGBT. Et en plus, je suis sur un format qui, à l'époque, n'existe pas, puisque je suis sur du 30 minutes, mais sur un drama slash un peu dramédie. Il y a une certaine légèreté, etc. Mais je suis dans des choses assez proches de ce que faisait Showtime à l'époque, avec des séries, ça avait été initié un peu par Weeds, et puis United States of Tara ou Nurse Jackie. Mais en fait, en France, ça se faisait pas. C'est que maintenant, en 2017, finalement, qu'Orange est en train d'arriver à des choses dans ce style-là. Et du coup, j'avais deux difficultés, donc je me dis, bon, bah, je vais en éliminer une des deux. En France, le format de la série dramatique, c'est le 52, donc on va basculer ça en 52. Donc je retravaille ça en 52, sauf que je refais une version de pilote, mais comme ça, ça tient pas, parce que quand même, c'était structuré en termes d'enjeux, pour être plus court, et que du coup, j'ai l'impression que ça se voit trop, que je tire à la corde, et que voilà, que ça manque quand même d'enjeux pour faire du 52. Du coup, je retravaille, je passe d'un duo de personnages, Thibaut et Hicham, à un quatuor, en rajoutant un frère et une sœur, qui sont hétéros. Du coup, voilà, je rends le truc 50-50, et ça fait partie voilà, du chemin que je fais. Et puis même dans au fil de ces années en 2013-2014 quand j'ai un peu perdu espoir que ça aboutisse sur un écran, j'ai écrit genre une centaine de pages du roman Les Engagés. Donc il fallait vraiment que ça sorte. Ça a juste pas été une BD quoi en fait. C'est ça, à peu près. Vraiment, c'est ça, effectivement. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit, ça arrive d'autres fois, mais tu devrais en faire une pièce de théâtre. Ouais, je voulais faire une série. et en fait, voilà. Et du coup, ça nous amène tout ça il y a 2 ans, où commence à vraiment émerger la fiction financée sur le web. Et en fait, il y a 2 ans, au printemps 2015, c'est le moment où Canal+, va en direction du marché, fait notamment une grande réunion à la SACD en disant on va lancer une offre web qui est devenue Studio Plus de 10 fois 10 minutes. Et ça faisait du coup à ce moment-là un petit moment que ça me trottait dans la tête de me dire bah, en fait ce que j'arrive pas à faire à la télé à la fois en termes de sujet aussi vraiment, je pense que c'est les deux raisons sont d'égale importance en termes de ton, c'est-à-dire de faire du drama character driven dans du pur jargon de scénariste, mais donc de la série de personnages où ce sont les personnages et leur développement qui est au centre et l'intrigue est au second plan derrière. Je me dis que le web, en fait, ça peut être l'espace pour faire ça en France, puisqu'on n'a pas d'espace pour faire ça à la télé. Et en fait, à ce moment-là, du coup, j'ai un producteur avec qui j'avais déjà travaillé qui m'appelle. Qui dit, ah, t'as vu, il y a Canal qui va rechercher des projets. Est-ce que t'as quelque chose à me proposer ? Je dis, bah, écoute, peut-être, je reviens vers toi. Et parce que j'avais besoin de me convaincre que ça marchait sur du 10 minutes, les engager. Et du coup, je retravaille à partir de ce que j'avais et je fais des scripts d'épisodes de 10 minutes. Et je trouve que ça fonctionne. Sachant qu'en fait, à ce moment-là, je conçois une version intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, de mon quatuor de personnages, j'ai éliminé la sœur et j'ai gardé le frère, dont à ce moment-là, j'ai fait le frère de Thibaut. Donc j'ai construit un trio de personnages à ce moment-là. Et j'envoie ça au producteur, ça ne l'intéresse pas pour des questions de sujet. Mmh. Et aussi, très justement, parce que ce qui l'intéressait, c'était Studio Plus, c'est qu'à juste titre, il me fait remarquer que ce n'est pas ce qui intéresse Studio Plus. Ouais. À raison, puisqu'on voit bien que ce n'est pas du tout le genre de choses qu'ils ont développé, à tort à mon avis. Mais voilà. Mais sauf que le truc, c'est que, en fait, là où j'ai. Parce que j'avais eu une grande frustration, en fait, pendant toute l'époque précédente, qui était que j'ai de même pas avoir trouvé un producteur qui mette un euro symbolique pour aller montrer à une chaîne. Ouais. Et d'une certaine manière, si clairement il n'y avait qu'un seul débouché potentiel, c'était Arte. Si j'avais trouvé un producteur qui l'avait monté à Arte et qu'Arte m'avait dit non, je crois que ça m'aurait fait faire le deuil. Oui, bien sûr. Mais comme je n'ai pas trouvé une personne qui soit fichue d'aller montrer le truc à Arte, et du coup, moi, tant que je n'ai pas ça, je dis mais qu'est-ce que vous en savez qu'ils vont dire non puisque ouais. Vous ne l'avez pas été le chercher. Et le truc, c'est qu'à la fois Studio Plus et 4, offre la possibilité aux scénaristes de proposer directement un projet eux-mêmes, sans passer ouais. Par l'intermédiaire d'un producteur. Et du coup, c'est ce que je fais. J'envoie directement le projet aux deux. Et dans les deux cas, ils répondent assez vite. Studio Plus, non. Et Studio 4 répond très très vite en me disant ça nous intéresse. J'envoie en juin. En juillet, ils me répondent ça nous intéresse, faut qu'on se rencontre. On se rencontre au milieu du mois d'août. Et à la fin du mois d'août, une fois que Delphine Ernotte est nommée présidente, ils me confirment. Qui veulent vraiment développer la série et qu'il faut qu'on cherche un producteur ensemble. Donc là, on est en août 2015. D'accord. Et on est à peu près vraiment parti, sauf que c'est pas la fin des péripéties. Parce que là, à ce moment-là, ça se fait quand même relativement vite avec Studio 4. Là, pour le coup, c'est un temps de réaction assez rapide. En ouais. Deux mois, tu sais que tu peux bosser avec eux, quoi. C'est ça. Et parce que, en fait, pour le coup, eux, ils ont une culture du développement assez rapide et d'avancer assez vite. Ils sont hyper réactifs sur les textes, etc., quand on les renvoie. Donc enfin, on a quelque part à la télé française où effectivement, ça bouge et on n'a pas besoin d'attendre 6 mois pour leur faire lire 2 pages. Donc c'est plutôt cool. Sauf qu'effectivement, on a encore cette difficulté. Alors déjà, effectivement, eux, ils reçoivent cette version à 3 personnages. Donc dans les discussions que j'ai avec eux, on en discute, je pense qu'on en reviendra, on pourra y revenir après. Il questionne un petit peu le 3e personnage à juste titre, donc moi je sais que je vais retravailler. Mais en parallèle, on est dans une recherche de producteur en fait. Ouais. Même si, voilà, comme je viens de le dire, le travail éditorial commence avec Studio 4. Et en fait, voilà, ça pourrait sembler évident, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a un projet, on a un diffuseur, il faut juste trouver un producteur. Et en fait, ça a été assez compliqué, même là. Voilà, pour des raisons, en grande partie pour des raisons économiques, parce qu'effectivement, Studio 4 finance très peu par rapport, enfin voilà, c'est à la minute pour faire de la fiction, c'est pas beaucoup d'argent qu'ils donnent. Oui. Et en plus, les engagés portent quand même en elle le fait qu'à la base, elle n'a pas été créée pour faire du web. Ouais. Donc, même si à ce moment-là j'ai commencé déjà à raboter, il y a quand même encore beaucoup de décors et il y a quand même encore beaucoup de rôles parlants. Voilà, souvent les fictions web équivalentes, quand on voit des choses qu'ils ont lancées récemment, Face au Diable, etc., j'ai pas compté, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être 7-8 rôles parlants ouais. dans la saison de Face au Diable et nous on en avait 22, quoi. Donc et ça plus des scènes qui nécessitent de la figure, etc. Donc clairement on a un objet qui est difficile et du coup il faut aussi un producteur qui est très motivé par le projet lui-même, je pense, pour le faire. Or ça nous ramène à ce que je disais au début, on est globalement dans une culture où le développement il est initié par les producteurs et où les scénaristes travaillent sur commande sur des projets que les producteurs ont envie de faire et c'est assez difficile de trouver un producteur qui est qui est juste envie de s'inscrire dans la vision d'auteur d'un scénariste et de dire, ah, t'as envie de raconter cette histoire, chouette, je vais t'aider à la raconter. Et malheureusement, ça, c'est très rare chez nous. Et c'est un des problèmes structurels de la série française, hein, clairement. Du coup, on patine pas mal. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres avec des producteurs qui sont quand même, il y a des rencontres qui sont entre des producteurs et Studio 4 et moi autour du projet. Mais en tout, j'ai fait 3 rendez-vous avec moi, Studio 4 et un producteur. Donc seulement le troisième a été avec celui qui a effectivement fait la série. Il y a eu 2 faux départs avec 2 autres producteurs. Tu peux expliquer comment il y a eu faux départ sans évidemment nommer le producteur. Le premier producteur, en fait, avec qui j'avais déjà travaillé et avec qui j'avais déjà proposé le projet. Quand il voulait chercher un truc pour Studio 4. Et là, je reviens vers lui, je dis, bah, finalement, pour mon projet, là, tu rappelles, j'ai un diffuseur qui veut le faire. Donc, ça t'intéresse ou pas? Et donc là, il me dit, on peut explorer l'option. Et en fait, le truc, c'est qu'ils vont au rendez-vous avec Studio 4 en se disant, ils sont peut-être un peu intéressés, mais ils veulent peut-être lancer un espèce de petit développement pour dans un an, l'année prochaine ou dans 18 mois, on va voir quoi. Et là, ils se retrouvent en rendez-vous avec Studio 4 qui est super enthousiaste et qui dit, alors, hein, quand est-ce qu'on peut tourner? Et ils n'étaient pas préparés à gérer qu'ils veulent vraiment, vraiment faire le projet là dans 6 mois. Et après, maintenant, il y a des logiques de groupe qui se sont mises en place, en fait. Et chaque producteur, il a tendance à faire partie d'un groupe. Et ouais. Du coup, il y a des trucs de collégialité qui se passent au sein du groupe. Et à ce moment-là, clairement, ce qui se passe, c'est un truc économique. C'est que sur les engagés, pour un producteur, le but, c'est juste d'équilibrer les comptes, quoi. On sait clairement que, en tout cas, notamment sur une première saison, un producteur ne va pas gagner l'argent là-dessus. Ouais. Potentiellement peut-être après, ou en tout cas ils sont convaincus du contraire. Ça reste à démontrer, notamment là du coup on l'a fait la saison 1 désengagé, au jour d'aujourd'hui les comptes de la saison sont équilibrés. Si jamais maintenant on décroche d'autres trucs, l'exporte, etc., pour le coup pour le producteur il peut gagner un peu d'argent, moi aussi parce que je suis intéressé à ça. Donc voilà, ce premier producteur. Le message est passé. Voilà, on se retrouve assez logique. Ils viennent de signer un projet pour une chaîne. Le groupe lui dit, écoute, là, pour une fois, t'as un projet où tu vas pouvoir gagner de l'argent avec ta société au sein du groupe. Donc concentre-toi sur ça, plutôt que de refaire encore un truc où tu vas pas gagner de l'argent. Du coup, après un mois avec lui, en gros, ça se referme. Et c'est un peu lui qui me redirige vers un autre producteur qui est un cas différent, parce que c'est des gens qui avaient fait que de la production exécutive jusque-là. D'accord. Donc qui serait pour la première fois monté en vrai producteur sur un projet, mais qui clairement en fait ont pas les reins du tout assez solides pour porter ça. Et au début je pense que ça va le faire, parce qu'effectivement en termes de prod exé ils gèrent, donc ils sont capables concrètement de filmer le projet, mais produire c'est pas que filmer un truc, et c'est gérer le rapport avec France Télé, avec l'institutionnel, c'est-à-dire qu'il faut avoir il faut faire des dossiers au CNC, etc. Et ça, pour eux, c'est extraordinairement compliqué. Et ils ne sont pas en mesure de le gérer. Ils se rendent compte que, dis donc, ça prend du temps de faire un dossier au CNC. Et on n'avait pas prévu que ça prenne autant de temps, etc. Ils ont même demandé, ils ont appelé France Télé pour vous dire le niveau de branquignolitude. Ils ont appelé France Télé pour savoir si c'était vraiment pas possible de tourner qu'avec ce que donnait France Télé sans faire de demande au CNC. Ah ouais, pas mal. Voilà, et donc du coup, mais le problème que j'avais, c'est que moi, j'avais pas beaucoup d'autres pistes de producteurs. J'ai vu d'autres gens, etc., qui à ce moment-là aussi m'ont refusé de faire le projet pour des raisons économiques. Et donc, voilà. Et sauf que donc, ces gens-là, on est en janvier, on doit signer les contrats à la fin du mois de janvier, il y a des castings qui sont prévus, et ils décident de pas faire le projet, parce que le réalisateur décide que ça rentre plus dans son planning, il veut pas le faire, du coup, si le réalisateur le fait pas, le prod le fait pas. Et donc, brusquement, en janvier. Alors qu'à ce moment-là, j'ai fini d'écrire les textes, donc j'ai dit dialoguer. Le projet a plus de producteur de nouveau la semaine où on devait tout signer, où on devait tout faire, à 2 jours du casting. Le casting est annulé la veille pour le lendemain et tout. Donc c'est pas la joie. Et à ce moment-là, j'ai encore l'impression que ça va. Je sais pas si on va pouvoir sauver le truc en fait. Donc heureusement, j'ai des bons rapports avec Studio 4. J'appelle la conseillère à Studio 4 qui suit le programme. je parle de ça, on a ce petit moment de découragement en commun, on va pas y arriver quoi. Et on se dit, bon, mais si, on va y arriver. Donc on se réenclenche et on se dit, bon, ben, on repart sur la recherche d'un producteur. Et il se trouve que, ben voilà, enfin, à ce moment-là, je reprends des contacts. Et voilà, l'ironie du sort qui fait que ce qui n'avait pas marché à l'automne, parce qu'en octobre, novembre, j'avais pris des contacts, j'avais vu des gens et ça n'avait jamais vraiment marché. Mmh. Ce qui fait que je m'étais lancé dans cette solution qui était quand même, je le sentais, un peu précaire. Et en février, du coup, 2016. Et ben je me retrouve et j'ai trois offres de producteurs qui veulent produire la série, qui sont tous les trois super et avec les trois j'aurais adoré faire la série. Et donc je me suis retrouvé à dire non à deux personnes avec qui j'aurais adoré travailler, ce qui était super désagréable pour moi. Ouais, et qui était super ironique compte tenu de tout ce qu'on avait fait pour en arriver là. Mais ça se passe comme ça. Et en fait, pour la petite histoire, mon agent, la personne qui avait été mon agent pendant longtemps, qui est Fanny Marie, qui du coup m'avait signé notamment la lecture de ce pilote là, et parce que quand j'ai signé ma première option sur un autre projet en 2011, à la fin 2011, il se trouve que elle a dû arrêter son métier d'agent et qu'elle a commencé à bosser au développement, notamment pour la société de production qui produit Les Engagés. Et elle rejoignait cette société le 1er février, donc genre 3 jours après la grosse crise dont je vous parlais. Donc elle fait partie des gens que j'ai appelés à ce moment-là. Et ben, est-ce que tu peux regarder, est-ce que ça peut les intéresser, les gens de la startup avec qui tu travailles. Et donc du coup voilà, c'est par son intermédiaire que le contact s'est fait, que j'ai rencontré Sophie Deloche et Baptiste Rinaldi, que je connaissais pas du tout avant. Mmh. Et c'est vrai que ça a beaucoup joué dans le fait que ça fait avec eux, parce qu'il y avait eu tellement justement de péripéties et de choses, que le fait que j'avais une relation préétablie avec Fanny qui était forte, qu'on se connaissait bien, je me disais bon, là je me sens en sécurité quoi, je me dis non, enfin voilà, mais normalement ça devrait, on devrait pouvoir aller au bout. Donc ça a beaucoup joué dans mon choix, enfin voilà, parce que vraiment, encore une fois, c'est ce que je disais, j'avais trois prods avec qui j'aurais adoré faire le projet, qui étaient super enthousiastes, qui avaient une super vision du projet, et que du coup le critère, ça devient un peu ça, parce que les trois auraient vraiment pu le faire. Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière au niveau du processus d'écriture qui t'amenait du 3x6 au 10x10, en passant par le 10x26 et au je ne sais pas combien de 52, 6x, 10x peut-être. J'imagine que le projet a pas mal changé, mais j'imagine qu'il y a aussi des choses qui sont restées au-delà des personnages. Au niveau des arches, comment t'as géré en fait le passage au format différent en fait? Du coup, la grosse rupture, c'est cette histoire d'ajout de personnages, en fait. Parce qu'en fait, ça permettait d'une part d'élargir l'univers, et d'autre part, en fait, la structure de ces personnages permettait d'intensifier le niveau de conflit. Y a toujours eu Hicham et Thibaut, en fait, et leur ligne personnelle a jamais vraiment varié, et que il y a certaines scènes qui sont aujourd'hui dans Les Engagés qui ont été dans toutes les versions en fait. D'accord. Notamment l'intrigue du début, qui est l'intrigue de Hicham qui rejoint Thibaut, et la manière dont ils se retrouvent et ces espèces de premières scènes là, la première fois qu'ils se parlent le soir en se couchant, l'ajout d'amis sur Facebook, etc., tout ça a traversé toutes les versions. Et donc en fait, quand je rajoute le frère et la sœur, Anthony et Sophie, du coup, il faut que je donne un peu une idée de ces personnages. L'idée, donc, c'est des fils de militants communistes assez traditionnels, et qui sont les enfants de cette génération militante-là, post-83, tournant de la rigueur, séparation des communistes et socialistes, etc. Et donc toute la déliquescence qui a suivi du Parti communiste et de la perte de ces idéaux-là, et du fait que pendant très très longtemps, ces idéaux-là ont pu vraiment eu de débouchés politiques au-delà de partis qui faisaient 2% des voix aux élections. Mais avec ça, on va pas loin. Et du coup, la sœur était dans quelque chose, elle s'est un peu éloignée de la politique politicienne, elle était dans les luttes féministes, les luttes libertaires. À l'époque où j'écrivais ça, c'était le mouvement des indignés. qui a bien pris en Espagne, mais il y avait eu quelques occupations de place sur le thème de Nuit debout avant Nuit debout par les indignés, donc typiquement elle aurait fait ce genre de choses. Et le frère, lui, il représentait le basculement, il était elle, donc voilà, elle avait la petite trentaine, un télo précaire, génération déclassée, et lui il avait à peu près l'âge d'Hicham, il avait 23 ans, 24 ans, un peu plus, un ou deux ans plus âgé, et il était étudiant à la fac. Et en fait, lui, il se faisait recruter par l'extrême droite. D'accord. Et il se trouve que l'ironie du sort et des rencontres faisant que dans la version d'aujourd'hui, la première personne que Hicham rencontre en arrivant à Lyon, c'est Amaury Mercœur. Ce qui était le cas dans mon tout premier pilote de 30 minutes. D'accord. Mais dans cette version-là, je change l'intrigue. Amaury Mercœur avait disparu. Et la première personne qui s'est rencontrée, c'était Anthony. Et il se trouve que du coup, de manière un peu bizarre comme ça, parce que Anthony avait quand même un fond raciste assez prononcé, mais Anthony et Hicham deviennent amis, parce qu'à la fin du pilote de cette version-là, en fait, Anthony sauve Hicham, qui allait se faire attaquer par les nouveaux amis d'Anthony. Et voilà. Et puis après, du coup, ce qu'on racontait, c'était qu'Anthony fabriquait, par cette amitié avec Hicham, cette espèce de nouvelle extrême droite inspirée des extrêmes droites des pays d'Europe du Nord où les leaders des partis d'extrême droite dans plusieurs pays étaient homosexuels eux-mêmes, et que Marine Le Pen a en partie tenté de récupérer chez nous quand elle a commencé à intégrer le discours qui était de dire: moi, Marine Le Pen, vous les petits homos, je vais vous protéger contre les méchants musulmans. Et donc voilà, donc ça c'était ça que ça racontait, et donc c'était aussi ça, en partie, que j'ai voulu au tout départ garder quand j'ai rebasculé de 52 à 10x10. Parce que donc j'ai 4 personnages, c'était trop pour ce format. En vrai, 3, c'était aussi trop. Mais 4, c'était vraiment trop. Et du coup, j'avais voulu garder Anthony. Et j'en avais fait le frère de Thibaut. Ce qui, moi, à ce moment-là... parce que donc, du coup, assez vite, les gens de Studio 4, ils avaient lu les textes. Je leur avais directement, en fait, quand j'ai envoyé le projet Studio 4 et plus, j'aurais directement envoyé 5 ou 6 dialogués. Donc, c'était ça passe ou ça casse. Soit vous aimez les textes, soit vous les aimez pas. Mais voilà ce que c'est. Et par chance, ils les aiment, globalement. Mais il y avait un vrai questionnement sur ce personnage-là, qui était aussi, effectivement, assez divergent, parce qu'il était assez peu avec les autres. Du coup, c'était sa propre ligne de décor, c'était ses propres personnages secondaires. C'était aussi un vrai problème de production. Donc, il questionne un petit peu ce personnage-là. Moi, à ce moment-là, mon doute, c'est de me dire, il faut quand même faire attention, parce que, en fait, il n'y a jamais eu de série LGBT chez nous, alors que ça fait 20 ans que ça existe en Grande-Bretagne, depuis le premier Courage Folk, il y en a eu plein d'autres dans les pays anglo-saxons. Et mon discours, c'est de dire qu'il faut quand même prendre ça en compte et de réfléchir à pourquoi il n'y a jamais eu de série LGBT avant chez nous. Et la réponse à pourquoi est parce que la conception française de l'universalisme républicain tend parfois à dériver vers une version extrémiste de ça, qui est un républicanisme, où à force de vouloir une tête, de dire qu'on n'est qu'une seule communauté nationale, on en vient à nier les différences et à nier toutes les minorités, et donc du coup on invisibilise les minorités ethniques, sexuelles, etc. Et que du coup, arriver avec un projet comme celui-là, qui met en avant une minorité, un projet LGBT, comme d'autres projets mettant en avant d'autres minorités, ça semble suspect. Tout de suite, il y a une alarme qui s'allume, qui s'appelle le communautarisme, parce qu'on n'est pas capable de faire la différence, de comprendre la différence entre le communautaire et le communautarisme. Le communautaire, c'est jamais que de l'entraide de pair à pair, c'est-à-dire ce que tout le monde fait, y compris entre mâles blancs, cisgenres, hétérosexuels. Allez voir, voilà, dans les lieux de pouvoir, s'il n'y a pas d'entraide dans cette communauté-là. Et voilà, que c'est différent du communautarisme, qui est l'enfermement dans une identité unique à l'exclusion de toutes les autres. Mais ça, enfin, il y a tellement peu de réflexion sur ce sujet-là qu'il faut expliquer ça tout de suite à quelqu'un, parce qu'il a jamais réfléchi à ça dans la plupart des cas. Et du coup, mon argument, c'est de dire que Anthony, il porte à l'intérieur du programme cette vision des choses, et il peut à l'intérieur du programme porter cette critique, ce qui fait que nos personnages peuvent lui répondre. Et on peut adresser ce questionnement. Donc c'est pour ça qu'au début, je le défends un petit peu. Et sauf qu'après, je rentre chez moi et je remets mon nez dans mes textes. Et je relis ma toute première version du pilote de 2010. Et c'est là que je tombe sur Amaury Mercœur. Et je me rends compte qu'Amaury Mercœur, il faisait déjà tout ça. qui porte un point de vue critique sur l'action communautaire des autres personnages en disant « Mais moi, j'ai jamais voulu ça, j'ai jamais voulu que ma sexualité devienne une identité, j'ai jamais voulu être défini par elle. » Et du coup, je me dis « Ah bah oui, ils ont raison, j'ai pas du tout besoin du personnage d'Anthony, de sa divergence, de sa ligne de production, et je peux me recentrer sur ce que je voulais raconter au départ. » Et ce qui fait que je me retrouve à développer au départ sur le 10x10 strictement la même intrigue que dans mon pilote de 30 minutes que j'ai écrit en 2010. Avec le simple truc qui est qu'effectivement, s'ils en sont passés, que j'écris mieux et que j'ai progressé comme scénariste. Mais du coup, en termes de pureté des intentions par rapport au projet d'origine, oui, c'est exactement ça. Tu gagnes un temps fou, quoi, en fait. Tu gagnes du temps d'exposition, tu gagnes de la simplicité, enfin... Oui, oui, j'ai... Et puis, en termes d'efficacité dans l'écriture, etc., j'ai rejeté un œil il n'y a pas longtemps... et en termes de contorsion pour en arriver à un truc, etc. Effectivement, aujourd'hui, je vais vachement plus droit au but et les choses sont plus claires, les enjeux sont mieux posés. Et c'est aussi du coup une exigence du format puisqu'en 10 minutes, il faut raconter une histoire quand même. Et que moi, j'ai vraiment tenu, même si après dans le détail, on pourra en parler. Mais j'ai vraiment tenu à respecter la structure et l'entité épisode, même sur un format de 10 minutes. Alors même qu'effectivement les premiers épisodes, et je pense que ça se voit, que ça se ressent négativement, que c'est une limite de ce que j'ai fait, concrètement ça se ressent quand même que c'est quelque chose de plus long découpé en morceaux. Notamment, clairement, aujourd'hui je sais que j'ai un vrai problème sur l'épisode 2, qui est celui-là. Qui est l'épisode 2 se compose d'une suite de scènes que j'ai pas eu le temps de mettre dans l'épisode 1, mais qui sont nécessaires à avoir vues avant de pouvoir faire l'épisode 3. Et donc, du coup, j'ai un gros point faible en termes scénaristiques dans la saison 1 des Engagés, qui est l'épisode 2, parce que tous les autres épisodes, on peut dire, c'est l'épisode de quoi ? Ouais. Alors que l'épisode 2, c'est juste l'épisode 2, le chiffre. mais il y a trois scènes dans l'épisode qui n'ont pas de lien véritable entre elles. Voilà, bon, ça, c'est un stigmate de ça, et je sais aujourd'hui... Et en plus, c'est l'épisode qu'on a probablement le plus retravaillé, il y a eu... On a refait une version de cet épisode-là, je sais plus, 4 jours avant de tourner, un truc comme ça. Parce que je crois qu'instinctivement, on le savait tous et on s'en rendait compte. Mais le problème, c'est qu'à ce stade-là, c'était trop tard. Après, il n'est pas indigne, hein, l'épisode. Mais c'est structurellement, il fallait faire un choix plus fort. Et qu'en gros, dans la version actuelle, cet épisode, il justifie quasiment pas son existence, en fait. D'accord. Il faudrait quasiment passer directement du 1 au 3, ou alors structurer l'épisode 2 autour de quelque chose. De différent. Mais ce qui est pas évident, parce que c'est une gymnastique. Ça serait sûrement possible de trouver une solution, mais vous avez une gymnastique presque impossible. C'est-à-dire que vous devez quand même présenter deux personnages centraux, mais à peu près 6 ou 7 périphériques très importants dans le premier épisode, plus l'air de rien, l'univers dans lequel on tombe, c'est pas forcément acquis à tout le monde, donc il faut aussi présenter l'univers. Y a des séries qui râlent d'avoir des pilotes de 52 minutes pour présenter, parce qu'à la bonne époque on en faisait des 90, là vous avez 10 minutes pour tout balancer, et c'est sûr que l'épisode 2 forcément au bout d'un moment... C'est tout le défi du 10x10 minutes. Ouais. C'est un format dans lequel je me suis vraiment épanoui, que je trouve chouette et intéressant. Je pense qu'il est fait pour faire ce qu'on en a fait. Ouais. Or, nous sommes les seuls. Et pas un 100 minutes découpé c'est, en 10. C'est ça, et en termes de. Et du coup, vraiment, c'est fait pour faire de l'intime. C'est fait pour explorer du personnage sur un. Sur une échelle assez réduite, ce qui n'empêche pas qu'on peut éventuellement faire ça dans un cadre qui soit beau, etc. Mais clairement, ça doit être la priorité en termes d'écriture. Et du coup, aller faire du, enfin ce qu'a fait Studio Plus, hein, du gros truc de genre, de la série B. Je pense que c'est pas le bon format pour faire ça. Et que du coup, les contraintes du genre et les contraintes du format se heurtent perpétuellement d'une manière dont je crois pas, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à avoir un projet qui me convaincra que, enfin, je crois pas que ce soit résolvable, en fait. Parce que je pense que c'est les choses qui ont besoin de plus d'ampleur et plus de temps, et que là, dès que ça commence, c'est fini, voilà. Et même pour, du coup, une série de personnages, vraiment tout l'enjeu, c'est effectivement l'épisode 1, enfin, le début, quoi. Mmh. Et parce que clairement, dans Les Engagés, la présentation des deux personnages, elle s'étale sur 3 épisodes, quoi. Ouais. Clairement, le 3e, il termine un cycle, et à partir de là, on se met à raconter des histoires d'épisode en épisode, en fait. Ouais. Mais on voit bien que les 3 premiers forment un cycle assez net. Je pense que quand même le premier et le 3e sont assez réussis parce qu'ils sont assez clairs. Le premier réussit, à mon avis, plutôt bien l'exposition des enjeux, etc. Il y a quelques maladresses dedans, et voilà. Mais dans l'ensemble, je le trouve pas mal. Le 3, je le trouve vraiment assez réussi. Là, c'est la première soirée d'Hicham au point G, donc il est structuré par quelque chose, etc. Oui. Mais voilà, mais cet ensemble-là, il forme un premier ensemble, et à la fin, on a créé le duo Hicham et Thibaut, qui est notre duo qui nous sert à explorer nos histoires et le monde. Et d'une certaine manière, c'est presque ces 3 épisodes de pilote, et la série, elle commence à l'épisode 4. Alors, avant de rentrer dans le cœur du... des phases de casting, de tournage et compagnie, j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu es devenu un meilleur scénariste entre la première version et la dernière version, mais tu as fait des petites choses pendant cette période-là. Je ne parle pas forcément de l'écriture que tu as fait pour la télé, mais tu as fait 2 formations quand même qui ont été, je crois, très importantes dans ton processus. Est-ce qu'on peut revenir sur les 2? Ouais, donc du coup... D'abord, effectivement, il y a eu quand même eu quelques expériences à la télé qui sont quand même formatrices. Enfin, c'est-à-dire que c'est la première confrontation au terrain, aux exigences, etc. Donc ça représente quand même quelque chose. Et effectivement, après avoir fait ça, en fait, je veux dire que j'ai déjà commencé. J'ai fait un épisode de Dernier Cours et un épisode de Falco. Et après avoir fait ça, je suis sélectionné en 2013 pour la première année du programme européen Serialize. Qui est donc une formation européenne à l'écriture et à la production de séries, qui est basée à Berlin, qui se fait sur 9 mois, donc une année scolaire complète, et en anglais, parce que donc le programme et les enseignements sont en anglais, parce que c'est un programme européen, on est 12 venus de toute l'Europe en fait, avec dans l'idée d'avoir à chaque fois justement des gens qui ont déjà une première expérience dans leur pays respectif. Mmh. Et en fait, le cœur du concept de cette formation, qui a été créé par Lauren Sullivan, qui s'en occupe plus maintenant, mais qui l'a porté pendant longtemps, et qui était d'avoir posé le constat qu'effectivement, on n'arrivait pas, en Europe en général, à produire des séries qui soient... équivalente aux meilleures séries américaines. On pouvait produire quelques bonnes séries, mais à un moment donné, il y avait un espèce de plafond de verre et un niveau qu'on n'arrivait pas à atteindre. Et que peut-être c'était aussi un problème de méthode. Et voilà, et de travailler comme ça, et comment est-ce qu'on s'inspire aussi des méthodes américaines, et que ce concept de la writer's room, l'atelier d'écriture, est-ce qu'on peut l'importer en Europe? Et notamment, ça s'est structuré autour du fait que depuis presque une dizaine d'années maintenant, Frank Spotnitz vit en Europe. Frank Spotnitz, c'est un scénariste et producteur américain qui a été notamment numéro 2 sur X-Files pendant presque la totalité de la vie de la série originale. Et voilà. Et donc, du coup, lui, notamment, il gère un atelier de groupe, c'est-à-dire qu'il nous fait... brainstormer des concepts au tout début du programme, mais genre le premier jour. Et dès le deuxième jour, on est divisé en groupes et on doit écrire le pilote à partir de ce concept. Donc en groupe de 4, et on forme une mini writer's room. Et on doit. Voilà, il nous présente la méthode d'écriture avec laquelle il travaille, qui est très simple, hein, qui repose sur l'utilisation d'un index card. Et on doit comme ça travailler. Donc c'est un peu le. Assez structurant dans le projet de Serialize, en fait, d'être dans une formation assez pratique, en fait. C'est-à-dire de nous faire travailler sur un maximum de projets. On développe un projet de groupe avec Franck, on développe un deuxième projet de groupe avec Nicolas Luzardi, et on écrit dans la deuxième moitié de l'année le pilote d'un projet individuel, plus quelques autres petits trucs, parce qu'à un moment donné, il y a telle personne qui vient, donc préparer un pitch de série pour elle, etc. Donc on est hyper stimulé, et on est amené à produire beaucoup de choses. Tout cela en milieu de choses qui sont plus des masterclass, puisque je sais pas, toutes les deux semaines on a quelqu'un qui vient pour deux ou trois jours pour nous raconter son métier, sa carrière, etc., parce que ces gens là viennent de tous les pays d'Europe, voire des États-Unis. Donc voilà, ça produit 9 mois d'une densité assez extraordinaire. C'est 9 mois où tu gagnes l'expérience de je sais pas combien d'années d'écriture, surtout si dans un petit marché local comme la France, où en fait c'est aussi, en fait, c'est presque la différence fondamentale entre la structure du marché américain et la structure du marché français, où structurellement, l'industrie américaine de la télé, elle est conçue pour transmettre les savoirs. Ouais. Donc voilà, on rentre dans une writer's room comme assistant d'auteur, et donc là, le job, c'est de prendre des notes et de faire des cafés et de commander des snacks. Sauf qu'on est là toute la journée à écouter comment les scénaristes travaillent, que si on fait ça un an, deux ans, il y a des slots réservés pour des scénarios freelance. Donc si vous faites bien votre travail et que vous insultez pas les gens, le showrunner vous demande d'occuper le slot freelance, parce qu'en vrai il a pas envie de faire appel à un vrai freelance, il a envie d'avoir un freelance qu'il connaît et qui est déjà dans la room, parce qu'il connaît l'esprit de la série. Comme ça, du coup, le showrunner il aura pas tout à réécrire, si c'est un peu le problème du freelance dans la série. Et après, comme ça, tu deviens staff writer et story editor, et à chaque fois t'apprends, et puis t'es envoyé produire ton propre épisode. Donc quand t'as écrit un épisode, on t'envoie sur le plateau regarder comment ça se tourne, et puis peut-être la première fois ça s'arrête là, et puis la deuxième fois on t'envoie aussi au montage, et puis au bout de deux ans on t'envoie au montage des épisodes des autres, parce que voilà. Et donc du coup, c'est mathématique, l'industrie de la télé américaine. Vous prenez des scénaristes qui ont jamais écrit pour la télé avant, et ben en 5 ans ils sont transformés en showrunner. C'est le délai que ça prend, c'est-à-dire que si vous êtes hyper rapide comme Frank Potnis, vous faites ça en 3 ans, et si vous êtes un peu lent et que vous n'avez pas de chance dans votre carrière, que vous avez des séries annulées, etc., ça peut vous prendre 7 ans ou 10 ans. Mais si vous êtes sur une série comme X-Files qui tourne, les gens ils sont rentrés, les Vince Gilligan et John Shaiban, Frank Potnis, etc., ils sont rentrés, ils avaient zéro expérience pour la télé, et en 5 ans ils sont producteurs exécutifs, ils ont une expérience de showrunner, et dans leur projet d'après ils sont showrunner. Enfin, tout ça pour dire, c'est-à-dire qu'en fait, ce truc du showrunner, en fait, en France, on est dans des mythes absolus. Moi, je suis confronté à ça aussi sur les engagés, parce que j'ai été sur le plateau, etc. Je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent que je suis là, que je donne des ordres aux comédiens et que j'explique où il faut pointer la caméra. Évidemment que c'est pas ça le travail, du tout, et que être showrunner, c'est pas tout faire soi-même. Bien sûr. Être showrunner, c'est être suffisamment initié à ce qui se passe à tous les postes pour pouvoir un avis constructif à donner, et du coup pour pouvoir tenir l'intention originale. On a tendance à confondre showrunner avec scénariste-réalisateur, comme c'est le cas par exemple pour Hervé Admar, qui écrit puis après réalise. Voilà. Mais finalement, c'est pas comme ça que la fonction de showrunner aux États-Unis. En France, comme on travaille mal, ça a été le seul moyen de réussir à maintenir la continuité artistique. C'est ça. Mais effectivement, si on remet tout ça droit, c'est pas obligé de marcher comme ça, et même idéalement, ça devrait pas marcher comme ça, parce que cette structure là, elle est géniale pour faire ce que fait Hervé Admar avec Marc Harpou, mais ce que fait Hervé Admar avec Marc Harpou, c'est pas de la série longue, et ça peut pas en être. C'est ça. Parce qu'il peut pas faire une série de 10 épisodes par an qui reviendrait tous les ans. Parce que sinon, Hervé Admar, comme il écrit, il réalise tout, il meurt. C'est pas possible. Il est en très bonne santé, Hervé, mais... Je l'ai vu récemment, il va bien. Il va bien. Non, mais voilà, c'est physiquement pas possible. Bien Donc on est confronté à un problème industriel, et que la saisonnalité, elle est super importante. On sait que c'est important pour les gens de retrouver leur série tous les ans, si possible pour plus que trois soirées. Et que ça peut marcher que dans un système comme ça. Voilà. Bon. Oui, ton rôle quand tu vas sur le tournage, c'est pas de te substituer au réalisateur, c'est de rester entre guillemets collé au texte. C'est-à-dire, c'est ton souci quand tu rentres sur le plateau, et t'es là pour accélérer les choses, t'es pas là pour mettre des bâtons dans les roues. Complètement, avec même une liberté par rapport au texte, puisqu'évidemment, il faut avoir intégré que dans un tas de cas sur l'énergie d'un plateau face aux contraintes du tournage, etc. Le meilleur moyen de respecter l'intention du texte, c'est de se détourner de la lettre. Bien sûr. Les producteurs et même la productrice qui fait les engager ont tendance à être persuadés que les scénaristes ne sont pas prêts à gérer ça. En fait, elle a été assez surprise de voir que j'ai trouvé ma place sur le plateau et que je ne sois pas dans la frustration de vouloir réaliser moi-même et être à pleurer dans mon coin dès que le cadre n'était pas celui que j'avais imaginé. C'est une fausse question. On en revient à ce que je disais au début. Ces situations, elle n'a pas cette crainte de rien. Ces situations se sont produites, elles ont été vécues, mais elles viennent du manque d'expérience dont on parlait plus tôt. Parce que si, pour la première fois de leur vie, quand ils créent une série, des scénaristes se retrouvent sur un plateau et qu'ils n'ont pas eu à le faire sur une série où ils avaient écrit un épisode pour un autre, etc., machin, ils ne savent pas faire, ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas leur rôle, etc. Moi, ce qui fait que je trouve ma place facilement, c'est que j'ai fait Serialize et c'est aussi qu'en gros, c'est mélodramatique de dire ça, mais j'ai consacré ma vie à la série depuis mes 18 ou 19 ans, que j'ai lu des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses sur comment est-ce qu'était produit une série américaine, donc j'ai une absolue et parfaite conscience de ça avant même de commencer, et qu'en plus à un moment donné je fais Sarah Lai, je rencontre Frank Votnitz, je rencontre Jeffrey Bell et que ça me confirme dans mes instincts, etc. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir m'auto-former, pas que auto, parce qu'avec Serialize j'ai eu des apports extérieurs, et donc du coup, alors même que j'ai pas vraiment d'expérience de plateau, parce que ma seule expérience de plateau c'est en tant que journaliste, sur les trucs que j'ai fait avant j'ai jamais été sur le plateau, j'ai rendu ma V1 et j'ai vu l'épisode tourner quand il passait à la télé, je suis préparé à intégrer c'est quoi ma présence sur le plateau, mais enfin c'est pas sorcier quoi. C'est juste, il faut qu'on apprenne aux gens comment ça marche, aux scénaristes inclus, et ça va bien se passer. après, ça n'empêche pas qu'il y a probablement des scénaristes qui ne sont pas préparés, pas capables, et aussi et pas l'envie. Et qui n'ont pas envie, oui, bien sûr. Exactement, de faire ça. Super. c'est génial. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé. Personne ne demande de remplacer un modèle qui était plaqué sur tous les projets par un autre modèle qu'on plaquerait sur tous les projets. On demande juste d'inventer à chaque projet le modèle cohérent qui correspond aux personnes qui travaillent sur ce projet. On parlait d'Hervé Admar et de Marc Herpoux tout à l'heure. Ils vont avoir les oreilles qui sifflent si ça continue. Mais Marc Herpoux, pour en avoir discuté avec lui à de nombreuses reprises, il est très content de ne pas du tout aller sur le tournage. Quoi. Il rend ses versions et après, ça devient ce que ça devient. Il en est ravi. Donc. Virginie Braque est donc quelque chose d'assez similaire. Tout à fait. Elle aime bien être dans son univers d'écriture et puis ensuite, elle n'imagine pas vraiment concrètement les choses et elle aime bien qu'un réalisateur se saisisse. D'une certaine manière, évidemment, ce qu'on peut remarquer, c'est que le système produit les gens habilités à travailler à l'intérieur du système. Bien sûr. Donc si les gens qui ont fait une grande carrière aujourd'hui en France, qui sont reconnus parce qu'ils sont très bons, c'est Marc Herpoux et c'est Virginie Braque, c'est parce que ces gens-là, parce qu'ils étaient probablement aussi un peu comme ça au départ, ont pu éclore à l'intérieur de ce système, alors qu'on a probablement des gens hyper talentueux qui pourraient être d'excellents auteurs-producteurs, on a quelques-uns qui travaillent, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à faire carrière parce que l'univers dans lequel ils ont été était trop frustrant pour eux, et enfin, notamment parce qu'aujourd'hui, il y a les fictions web, il y a quand même il y en a beaucoup qui se tournent, il y a OCS, etc. Donc aujourd'hui, pour des gens comme moi, pour les gens qui sortent de la formation de la FEMIS avec Irresponsable, etc. Il y a pas mal de débouchés en fait. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'avant. C'est clair. Avant, on avait une absence totale de cases hors prime time sur TF1 et sur France 2 et sur France 3, ce qui limitait à l'extrême le type de fiction qu'on pouvait faire et la possibilité d'intégrer des nouvelles voies, des nouvelles façons de faire. Aujourd'hui, le système il s'ouvre grâce à l'appel d'air que toutes ces nouvelles offres créent et du coup on peut intégrer ces nouvelles personnes et ces nouvelles méthodes et à partir de là réussir enfin à ce qu'on aurait dû commencer à faire il y a 25 ans, c'est-à-dire transformer ce système pour amener ça ailleurs. Voilà, ce qui a aussi par ailleurs déjà commencé parce que du coup, enfin des auteurs qui font de la direction artistique ou de la production artistique, notamment enfin, sur les séries, les grosses séries installées. On voit bien qu'aujourd'hui, même sur les grandes chaînes, en fait, il y a une prise de conscience que ce modèle-là est nécessaire pour faire de la série longue, justement. Et donc on a Lee Krivine sur Un Village Français, Fanny Robert, Sophie Le Barbier sur Profilage, Lionel Onanga sur Shérif. Et du coup, on a maintenant des gens qui acquièrent ces compétences et qui, possiblement, peuvent les transmettre, même si c'est encore là où le bât blesse chez nous. Tu avais cette idée de transmission avec justement la salle d'écriture de Krivine qui a donné lieu quand même à des scénaristes qui sont capables de tenir une writer's room aussi dans une certaine mesure, en tout cas des Fred Azemar. Ça a été très très formateur sur l'écriture et sur l'écriture. Notamment, il y a eu une vraie transmission de la part de Frédéric Krivine qui a ça aussi dans le sang. Hein. C'est un des rares scénaristes français qui a cette idée du mentoring que tu retrouves chez presque tous les Américains. Ils ne conçoivent pas d'être à un moment donné dans leur carrière et de ne pas être en train d'apprendre à quelqu'un à faire ce qu'ils savent faire. Vraiment, ils ne le conçoivent pas. Alors que chez nous, c'est extrêmement rare. Et donc, Frédéric Krivine, c'est une des rares personnes qui a mené une véritable réflexion stratégique poussée et approfondie sur qu'est-ce que c'est que la dramaturgie de la série télé. Depuis la fin des années 90 et la création de PJ. Hein. Mmh. Donc c'est un travail au long cours qu'il a mené pendant longtemps et que vraiment, pendant longtemps, il a mené seul. Quoi. Moi, je me rappelle, il y avait un magazine qui s'appelait Scénariste, un truc comme ça, Scénario, un espèce de petit magazine carré. Ouais. Il avait écrit un dossier passionnant sur la fiction française. C'était les années 24 heures chrono. Il y avait une couverture avec un montage à 24 heures chrono. Sur ces problèmes d'industrialisation, etc. Enfin, il s'est posé des questions, 10 ans avant tout le monde, si seulement les gens avaient pu l'écouter, quoi. Bon, et clairement, Krivine, il a fait beaucoup profiter de ça à l'intérieur de l'atelier d'écriture du village, de ses réflexions stratégiques sur c'est quoi un personnage de série, comment on écrit un épisode, comment on structure saison, épisode, etc. Et il a transmis l'écriture de la série à beaucoup de gens. La limite du modèle village, c'est que ça s'est un peu limité à l'écriture, par exemple. Ouais, bien sûr. Et qu'on pousse pas aux étapes supplémentaires et que au-delà, c'est-à-dire que même jusqu'à un certain point, il a pas Frédéric Krivine réussi à suffisamment. J'essaye de trouver la bonne formulation pour ça. Non, mais c'est-à-dire que sur Un Village Français, au bout d'un moment, il a arrêté de faire écrire des versions dialoguées aux scénaristes de l'atelier, en fait. Ouais. Donc, il y avait le travail collectif d'atelier pour concevoir les arches et les intrigues des épisodes. Et après, les séquenciers, j'imagine, choses comme ça. Ouais, et globalement, ça s'arrêtait là parce que... Et du coup, mon sentiment, qui n'est qu'un sentiment, parce qu'il n'a pas été confronté à l'épreuve des faits, c'est que je crois que quand même, là, il y a une étape de transmission qu'on n'a pas réussi à faire, qui repose sur plein de choses, qui repose aussi, c'est vrai, sur l'immersion, en fait. Parce que quand on est dans un atelier d'écriture d'une série américaine, c'est son seul emploi. Et pendant 11 mois de l'année, on se lève le matin et on va parler à son showrunner et on passe 10 heures par jour avec le showrunner et on rentre chez soi pour écrire des scripts qui seront lus par le showrunner le lendemain. Et du coup, on peut beaucoup plus facilement épouser le point de vue du showrunner. On est entraîné à écrire en utilisant la vision d'auteur d'un autre, enfin en se mettant au service de la vision d'auteur d'un autre. Bon, en vrai, c'est pour ça que moi je me pose la question. En vrai, cet entraînement, il existe aussi chez nous parce que c'est exactement ce que font les scénaristes de cinéma, où ils travaillent pour un réalisateur et qu'ils écrivent le film du réalisateur. Oui. Donc ce processus, il existe chez nous. Donc je pense que si on n'arrive pas encore à le concrétiser en télé, c'est pour d'autres problèmes, c'est d'autres questions. Il y a une autre étape de transmission, il faut réussir à trouver les moyens de l'organiser. Et moi, ma conviction, c'est que justement, ce qui pêche, c'est la partie production. Ouais. Et que en immergeant davantage les scénaristes dans la série par une intégration sur leur épisode à viens sur le plateau, viens sur le montage, ouais, etc., on produit une adhésion plus grande qui va permettre de créer ce que pour l'instant on n'arrive pas à faire, qui est que Krivine, idéalement, il reçoit un épisode et il n'a pas besoin de tout réécrire à 100%, ouais, parce qu'il arrive à s'y reconnaître suffisamment. Bon, mais c'est des questions. C'est pour ça que je dis c'est des intuitions. J'en sais rien. Si ça se trouve, je me plante et le jour où j'aurai à faire ça, et ben je me rendrai compte que c'est comme ça et j'arrêterai mes scénaristes ou séquenciers. J'écrirai tous les dialogues moi-même. T'as Noah Hawley qui fonctionne comme ça sur Fargo, en tout cas qui fonctionnait comme ça sur les saisons 1 et 2, donc je sais pas ce qu'il en est sur la saison 3, je sais pas ce qu'il en était non plus sur Légion, mais en gros il se réunissait avec ses scénaristes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je sais pas combien de temps, et en gros c'était un flot d'idées, et puis il prenait de ses idées dans son petit cahier et il repartait écrire ses épisodes. Donc d'une certaine manière c'est presque la méthode Sorkin ou la méthode bien sûr Ikele. Ouais, je crois que Sorkin sur West Wing il faisait pas écrire les dialogues, bien sûr que non, et j'ai une anecdote que j'avais entendue de scénaristes qui bossaient pour Sorkin, et il était là, il avait pas de boulot la journée, etc. Il y a d'autres scénaristes de Narrator's Room, ils les voient, ils sont tout le temps en train de taper, d'écrire un truc, etc. Mais enfin, il vous a donné du travail, qu'est-ce que vous faites? Ah non, on écrit nos specs. Bon, mais du coup, enfin, c'est aussi clairement, effectivement, tu as raison de le pointer, une méthode qui existe aux États-Unis et qui du coup est légitime comme toutes les autres méthodes. Le but à la fin, c'est d'arriver à produire une bonne série, ce que Frédéric Rivine a excellemment bien réussi sur Un village français, donc c'est pas ça qui est en question. Hein. Mais c'est comment est-ce que effectivement on arrive à produire d'autres séries, etc., et que je sais pas, en plus j'en ai jamais parlé de ce truc là concrètement. Moi je sais que personnellement, en tant qu'auteur, si j'étais dans cette situation là je pense que ça produirait quand même de la frustration. Ouais, c'est clair. Assez forte. Oui, et puis les deux exemples que j'ai cités, c'est deux exemples qui me viennent en tête parce que je les ai entendus, ça reste des exemples plus ou moins isolés, c'est pas la norme du tout aux États-Unis. Non, c'est complètement exceptionnel aux États-Unis. Et voilà, et chez nous, la norme, effectivement, ça peut être ça, ou c'est la réécriture à 100%, ouais, qui est aussi exceptionnelle aux États-Unis normalement, enfin... Il y a une réécriture du showrunner qui peut être importante, mais la jauge, c'est 50%, quoi. Mmh. Et puis si au bout de quelques années on devient bon et on arrive à comprendre la philosophie de la série, à la Frank Spotnit sur X-Files, et ben on n'est plus réécrit du tout, quoi. Sachant qu'une réécriture à 100% sur certaines séries, ça veut dire que tu vas pas rester. Enfin, t'auras d'autres chances, mais pas énormément non plus, quoi. Si à chaque fois il doit réécrire. Ah, sur une série américaine, si le showrunner réécrit à 100% tous tes scripts, tu fais une saison, tu fais pas deux. C'est voilà. Clairement que dans le rythme d'une série américaine, du coup, tu justifies plus ta présence. Hein. Clairement. Sauf justement. Et effectivement, c'est aussi ça. Ils inventent de plus en plus d'autres modèles qui sont liés aux saisons de 8-10 épisodes. Oui. Parce que dans une saison de 8-10 épisodes, et ben Noah Hawley, il peut écrire tous les scripts lui-même. Ce qui, évidemment, est plus compliqué quand ils font faire ne serait-ce que 12. Voire 13 par an. Ce qui me fait me dire que je suis curieux quand même de savoir comment Légion a fonctionné, parce que à mon avis Légion plus Fargo saison 3, enfin c'est jamais qu'une seule personne. Non, c'est ça, pour faire les deux en même temps. Et du coup ce que je dis, faudrait l'interroger, mais est-ce que ça participe pas aussi du fait que pendant longtemps Un village français a réussi à tenir au moins le rythme d'une saison de 12 tous les 18 mois, et que là ils ont rebasculé, qu'ils ont divisé la dernière saison en deux groupes de 6 tournés un an d'intervalle, etc., et que donc du coup le rythme de la série c'est quand même un peu distendu. Voilà, je dis ça en ayant aussi vraiment pleinement conscience que la série longue c'est un sacerdoce, ouais, et que c'est vivre à plein temps, etc., et que je sais qu'à un moment donné tout le monde a aussi envie de faire un break et de prendre des vacances, hein, et que dans une série longue prendre des vacances ça veut dire stopper la production de la série, ouais, pendant ce temps là hein, donc Alors justement, on va parler de production sur les engagés. Donc, une fois que vous êtes lancé dans le travail avec Astarte, j'imagine tout de suite, il a fallu trouver un réalisateur. Comment ça s'est passé ? Il y a eu une phase de casting de réalisateur ? Vous avez vu des choses ? Ouais, un petit peu. Donc du coup, effectivement, bon... Alors, donc déjà, j'ai vraiment une grande chance, effectivement. J'arrive chez Astarte, j'arrive avec 10 épisodes dialogués à un diffuseur. Et donc, du coup, j'ai un producteur qui accepte quand même de s'investir dans un projet comme ça où du coup, ben, c'est un projet qui est beaucoup porté par moi et il faut l'accepter. Donc, il y a un peu de travail de réécriture parce que j'arrive, je suis pas content du tout de l'épisode 8 qui a pas la forme qu'il a aujourd'hui. Je sais que celui-là, je vais devoir le reprendre du départ, vraiment complètement changer cet épisode. Et voilà, donc il y a des petites choses comme ça et sur lesquelles on va pouvoir travailler ensemble. Mais grosso modo, le travail d'écriture a quand même été mené assez loin. Et après, se pose effectivement la question du réalisateur, sachant qu'effectivement, bon, bah, ma position sur ce projet fait qu'il est établi que ça va se passer dans un dialogue avec moi. Et donc oui, la prod, en fait, a starté par enquête de réalisateurs potentiels. Grosso modo me dit qui sont les personnes qui pressentent un petit peu. Ils organisent des rencontres entre eux pour présenter le projet dans lequel, enfin, je veux dire, moi je suis pas dans un premier temps, ben pour voir, voilà, on a ce projet, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça t'intéresse, du coup de faire un premier contact. Ils demandent au réal qui serait intéressé de faire une note d'intention de réalisation. Et notamment, moi, je récupère ça, en fait, les notes d'intention, et on en discute ensemble, et ça, c'est ce qui permet d'organiser des rendez-vous, voilà. Donc, en fait, dans un premier temps, on s'est calé avec un premier réalisateur avec qui j'ai commencé à travailler un petit peu sur les textes, c'est-à-dire enfin, l'échange standard, et puis ce que lui pouvait apporter, sa vision du texte. Moi, je suis assez... c'est-à-dire que je tiens à ma ligne, je sais ce que je veux raconter, mais au-delà de ça, quand on me propose une bonne idée, oui. C'est chouette, un truc que je pourrais mettre dans le scénario, tout le monde va croire que c'est de moi. donc super, hein, je suis assez ouvert à ça. Voilà. Mais sauf qu'en fait, du coup, c'est pareil, je travaille, je sais pas, genre 2 mois avec ce réalisateur-là, et en fait, il y a son nom qui démarre en parallèle, et du coup, il va pas avoir le temps, et du coup, on le perd. Enfin, il s'en va. Et du coup, il faut de nouveau rechercher un réalisateur. Et là, en fait, il y a plusieurs étapes. En fait, du coup, Maxime Potra avait déjà été abordé dans cette première étape. On en avait parlé, mais à ce moment-là, il a pas voulu partir sur le projet parce que, en fait, du coup, pour un réal, faire un 10x10, c'est beaucoup d'investissement. Enfin, c'est un gros tournage quand même. Sauf que c'est payé au tarif du web et que du coup c'est compliqué quoi pour un réal quand il a d'autres projets à côté. Enfin, il y a juste pas le choix. Enfin, il y a pas le choix. Je veux dire, il y a pas de comparaison. C'est ça que je veux dire. Mmh. Et du coup, c'est un gros sacrifice de quand pour quelqu'un comme Max qui peut faire du en famille à côté et donc gagner, faire des choses qui lui permettent vraiment de bien gagner et à côté de développer un long en projet personnel, etc. Bon. Est-ce qu'il a quelque chose à gagner, à faire les engager, à consacrer autant de temps sur un projet qui ne va pas lui rapporter ? C'est un vrai questionnement. Et du coup, c'est la prod en fait, qui suggère, bah, et si on partageait la réalisation ? Sachant qu'en fait, Max et Jules se connaissent bien, qu'ils ont déjà collaboré autour de la saison 2 de Vestiaire Libéré, et que du coup, ça peut former un bon duo, et la prod est même ouverte à faire entrer un troisième réal, etc. Donc c'est à eux à peu près de décider. Et voilà, et donc comme ça, avec cette idée qu'on va pouvoir partager le travail et donc du coup diminuer l'investissement, etc. C'est ce qui fait que Maxime finalement revient sur le projet avec Jules et qu'on se lance ensemble. Et à ce moment-là, en fait, à vue de nez, on est en octobre, peut-être même début novembre 2016. D'accord. Et du coup, ben voilà, je commence à travailler avec eux, sachant qu'en fait, dans un premier temps, je travaille essentiellement avec Jules, parce que justement, Max, il tourne du En Famille en décembre-janvier. Du coup, sur la prépa, il est assez peu disponible. Donc du coup, j'échange beaucoup avec Jules, sachant qu'après, en fait, Jules et Max échangent ensemble. Donc du coup, moi, mon interlocuteur, c'est Jules, mais il incarne aussi les deux il continue de passer les informations, voilà, et Max continue d'être totalement dans la boucle, etc. Et puis à ce moment là il y a le processus de casting qui commence, et donc du coup voilà, Jules et Max sont impliqués tous les deux dans le casting et ils reviennent vers moi tout le temps parce que je suis aussi impliqué dans ça. Enfin, je vois les vidéos des castings et je peux donner mon avis. En fait, c'est simple parce qu'on est d'accord tout le temps. Ouais. Et que donc, du coup, voilà, c'est aussi ça qui se passe très vite, c'est qu'on sent bien, qu'on s'entend bien. Clairement, moi, avec Jules, je vois qu'on s'entend bien. Je vois que le type de réalisateur qu'il est, le type d'ambition qu'il a, ça me parle. Et même si on a des références qui sont différentes, parce que lui, ses références sont très cinématographiques, les miennes sont très séries télé, du coup, on a des discussions, et puis en fait, on échange comme ça. Mais ah oui, ce que tu veux dire, moi je l'ai vu dans telle série, et moi je l'ai vu dans tel film. Mm-hmm. Donc on passe notre vie, lui, à raconter des films que moi j'ai pas vu, et moi à raconter des séries que lui a pas vu. mais comme ça, on se rend vite compte qu'on a des plein de passerelles en commun, et que la manière d'envisager les choses est assez. Similaire et ça fait qu'on construit en fait l'équipe qu'on a construit autour des engagés qui a du coup été un travail vraiment très collaboratif en fait et comme ils le disent eux-mêmes en fait le fait que Jules et Max soient deux aussi ancre cette idée d'équipe. Les gens, les techniciens, les acteurs viennent pas travailler pour un réalisateur, mmh. ils viennent rejoindre l'équipe formé ouais. par Jules et Max et aussi moi qui arrive assez vite derrière et du coup il y a aussi deux monteurs et ben encore une étape où il y a un travail d'équipe, il y a deux directeurs de casting qui se connaissent bien et qui travaillent ensemble et l'un qui est centré sur les deux premiers rôles et l'un sur les rôles secondaires sachant que beaucoup de ce casting là ce rôle secondaire est fait à Lyon donc on crée comme ça quelque chose qui a été le cœur de ce tournage qui a été on est tous une équipe et chacun de nous, tous ensemble, on tire le projet vers le haut à tous nos niveaux de compétences. C'est presque le fantasme de la troupe théâtrale, en fait. Totalement. Je crois que ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui s'est passé, en fait. Que les conditions dans lesquelles on était, cette volonté claire qui a émané de Jules et Max... Parce que s'ils ne l'avaient pas porté, ça ne se serait pas fait, mais ils en avaient très envie. Plus le sujet, qui est que les gens qui venaient là, ils venaient souvent défendre quelque chose. Pas nécessairement exclusivement autour des questions LGBT, mais simplement autour de la question de l'engagement aujourd'hui, etc. Créer ça. Et en troisième niveau, le fait que globalement, du coup, sur ce projet, parce qu'on est une économie du web et que tout le monde est... Et enfin que c'est une économie qui est compliquée. On est tous presque amenés à être un degré au-dessus de ce qu'on fait d'habitude. Et ça commence par moi. C'est effectivement la première série que je crée. C'est ma série qui est en train de se faire. Jules, il avait fait des courts-métrages. Il avait fait Vestiaire Libéré, mais il a encore assez peu d'expérience de travailler comme ça sur un projet aussi au long cours. Vestiaire Libéré, c'est des sketchs. Ouais. Là, c'est une vraie unité dramatique qui court sur 10 épisodes avec France Télévisions. Donc, cette espèce de grosse machine. Et il y a plein de gens dans l'équipe technique qui, effectivement, d'habitude, sont plutôt des second, et là ils sont chefs de poste sur la série et leur second jusque là ils sont quatrième stagiaire et là ils sont toujours stagiaires mais ils sont le premier et le seul assistant en fait, donc du coup ils ont beaucoup plus de responsabilités que d'habitude et du coup ce qu'on avait d'inexpérience tous, on l'a vachement compensé en enthousiasme. Ouais. Et en volonté de chacun de se prouver à nous-mêmes, aux autres, ce dont on était capable. Et ça a créé cette dynamique collective qui a été assez forte et intense et qui a produit un tournage qui a été assez beau à vivre, en dépit de sa lourdeur, des contraintes de tourner... du coup 5 minutes utiles par jour parce que c'est 20 jours de tournage pour 10 fois 10 minutes et qu'avec une équipe qui est quand même assez réduite parce que pour débiter la minute par jour avec une équipe de 60 c'est possible mais nous au meilleur des cas quand on fait les scènes de groupe au début on a peut-être une petite trentaine donc il faut cette espèce d'esprit de guérilla collectif pour mener ça à bien et pour passer les obstacles qui sont ces contraintes de temps et le fait qu'on a tout le temps joué la montre et que des scènes où il faudrait 3 jours pour les tourner, on a 3 heures quoi. Mais c'est vrai, et du coup ça fait partie du travail qui est fait une fois que les réalisateurs sont rentrés, aussi sur les textes notamment. Concrètement on va avoir tant de temps pour produire ça, qu'est-ce qu'on fait pour que ça puisse être possible? donc sur quelques passages clés comme ça ont été travaillés dans ce sens. Je pense effectivement à l'épisode 4 où il y a le happening contre la mairie du deuxième. Donc c'est là où les personnages sont habillés en arc-en-ciel sur les marches de ce qui figure chez nous la mairie, qui est pas une mairie d'arrondissement vrai, mais ça c'est une idée de Maxime parce que dans mon scénario c'est un kissing, donc c'est un groupe de manifestants qui se regroupent et qui se mettent à s'embrasser, mais pour les manifestants plus les gens qui les regardent s'embrasser, pour que c'est machin, il fallait beaucoup de figures qu'on n'a pas, en tout cas on veut l'investir ailleurs parce qu'il nous en faut aussi en boîte ou il nous en faut dans le point G. Donc du coup, c'est les discussions avec Maxime qui apportent l'évolution de cette scène et qui aboutissent à ce qu'on a à l'écran. Et un autre épisode sur lequel on a travaillé comme ça, qui est assez intéressant, c'est l'épisode 9. Mmh. Où c'est le gros épisode de l'AG, en fait. Ouais. Il se trouve qu'on est déjà sur le tournage. On a commencé à tourner les scènes du point G, qui sont tournées dans le véritable centre LGBTI de Lyon, qui est donc une vraie association qui a les mêmes fonctions que celle qui est à l'écran, mais qui en plus continue à vivre pendant que nous on tourne. C'est-à-dire que on tourne et puis faut qu'on arrête à 17h30 parce qu'à 18h il y a une réunion, donc on pousse les décors, on range, et puis après ils font leur réunion, et puis après à 20h30 on revient tourner. Après avoir mangé et puis tourné quelques plans d'une petite scène qu'on avait à faire à l'extérieur. C'est monter le décor, le ranger, le démonter, le remonter, etc. beaucoup. Et donc on a commencé à expérimenter ça, et le vendredi soir, il y a le premier assistant qui vient voir Jules et qui lui dit « Écoute, Jules, ce qui est prévu lundi au plan de travail, je pense que ça passe pas. Là, je vois le rythme qu'on a cette semaine, ça passait si on faisait... vraiment tout idéalement, etc. Mais je vois qu'on passe au moins le temps que j'avais prévu ou plus. Et là, du coup, je pense que la journée de lundi, elle passe pas. C'est le jour où on devait tourner le 9. Du coup, bon, on parle vendredi là-dessus. Et c'est là que justement, je suis sur le plateau. On est tous à Lyon. Le samedi, on mange ensemble. Le samedi soir, je me retrouve à discuter avec Jules. C'est embêtant quand même si ça passe pas. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a une piste de réécriture qui émerge. Si on sait ça, ce serait plus simple, etc. Alors, sachant qu'en fait, moi j'avais beaucoup plus divisé en fait les séquences. C'est-à-dire que là aujourd'hui, l'épisode 9 se passe entièrement dans la G au rez-de-chaussée, etc. Moi, je montrais quand il y a l'élection du CA, qui élu le président, qui se passe à l'étage, je montrais ça. Il y avait un petit bout qui se passait dehors aussi. D'accord. Donc du coup, on avait trois décors ou trois lieux au lieu d'en avoir un seul. Et cette idée-là, on peut vraiment peut-être tout concentrer. Et du coup, des dialogues qui se passaient au CA, trouver le moyen de les rapporter, de les ramener en avant, de les mettre au moment de l'AG, etc. Et de tout concentrer dans cet espace. Et on commence à esquisser ça en mangeant au resto. Et je rentre chez moi. Et en fait, je me dis, ouais, c'est ça qu'il faut faire, etc. Et là, je vois Jules qui m'appelle. Et non, mais il faudrait vraiment faire ça. Quoi, Jules, je suis sur la même longueur d'onde. Je suis sur le coup. J'avais déjà lancé Final Draft sur mon ordi. Et le samedi soir, entre 23h et 1h du matin, j'aurais écrit l'épisode 9. Le dimanche, on le passe à la prod. On dit, on pense faire ça. Ça vous va? Ah, oui, ça nous va. On le fait passer à l'équipe, aux acteurs, etc. Et le lundi, on tourne la nouvelle version de l'épisode 9 qui a été écrit le samedi soir à 23h. Et du coup, on finit, le lundi, on économise, une heure et demie sur le planning, et on peut tourner une petite scène qui était prévue ailleurs. On l'avance et on la tourne ce jour-là. Donc, on tourne une scène en plus le lundi, ce qui nous a sauvés parce que c'est le seul jour où on a fini avant. Ça doit être le genre de moment gratifiant, mais au possible de voir un problème face à soi et de se dire on va réécrire, on va trouver la solution. Ah ouais, c'est génial et vraiment quand je parle de ce truc de la transmission, en fait, etc., comment confronter des gens à des problèmes, leur permettre d'acquérir l'expérience qui font que la fois d'après, ils anticiperont le problème, etc. Ouais. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment, crucialement, ce qui a manqué collectivement aux scénaristes français. Et de se retrouver confronté à ces situations, c'est inestimable. Ce qui est, du coup, hyper dangereux, c'est que nous, on fabrique un système où il se produit quelque chose comme moi, c'est-à-dire que moi qui n'ai jamais rien fait, qui n'ai jamais été sur un plateau, je me retrouve à devoir gérer ça en première ligne. Et du coup, effectivement, si j'en suis pas capable, s'il y a un problème, si je sais pas écrire en 2 heures, si, ça saute. Parce que normalement, il devrait y avoir... et après, on dit, mais les scénaristes français, ils sont incapables de faire ça. Parce qu'en fait, avant, il aurait dû avoir des tas d'étapes intermédiaires et préalables, des petites approches... qui me permettent d'arriver là avec déjà quelques expériences et une compréhension de ça. coup de chance quand ça tombe sur quelqu'un comme toi qui a déjà étudié la question en amont et qui n'est pas étranger au concept, mais par rapport à quelqu'un qui n'avait pas du tout ça en tête, ça peut être terrifiant. Ça peut être terrifiant, et d'où du coup le fait d'avoir fait émerger aussi des formations beaucoup plus structurantes au métier de l'écriture de la série, c'est-à-dire à la fois celle que j'ai faite, Serialize, et à la fois celle de la FEMIS, où on voit bien qu'on, notamment parce que certains projets à la FEMIS peuvent aller jusqu'au pilote, on voit bien que du coup on forme là comme ça une génération d'auteurs à être confrontés aux réalités, y compris du plateau. Alors que jusqu'ici, et ben, par tradition, on en était systématiquement tenu à l'écart. Oui, sachant que c'est des choses très importantes à connaître, justement la réalité du plateau, ça permet de ne pas pondre n'importe quoi. On se plaint toujours des nombreuses réécritures, mais des fois c'est aussi pour des questions pragmatiques qu'on n'a pas en tête quand on se lance dans quelque chose. Totalement, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est sur un pur point de l'écriture, c'est aussi ça qui fait qu'après tu es un meilleur auteur. Parce que tu es... mais même moi, je vois bien que quand j'ai fait cette saison des engagés, je n'avais pas... J'avais une conscience très faible de ce qui prend du temps à tourner. Il y a des cas où c'est évident, je m'en rends bien compte que dans une scène, il y a 12 personnes qui ont une réplique, voilà, ça, on ne va pas tourner ça. Voilà. Mais il y a des choses où j'étais absolument persuadé que ça se tournait en peu de temps, qui prennent la journée. Parce que je réalise pas qu'effectivement dans tel épisode j'ai Hicham qui tourne dans sa chambre et puis alors, il va vers sa table de nuit, il retourne il sort le tiroir, il va le retourner sur son lit et puis de là il bouge, il va sur son étagère, il retourne derrière son ordinateur et que oui mais non mais tout ça c'est 4 setups de caméra si c'est pas 5 et que du coup t'es bien gentil, on est peut-être dans une chambre avec un seul personnage mais ça prend 3 plombes parce qu'il faut ajuster la lumière à chaque fois, etc. Donc pourtant, maintenant, ça me semble tellement évident que j'ai l'air d'un couillon de m'entendre en fait. Mais avant d'être confronté sur le plateau et de te rendre compte qu'effectivement, il passait la journée à tourner ça, alors que pour moi, c'était pas super important et que je pensais que ça prenait 2 heures, et ben voilà, du coup, ça fait partie des choses que j'intègre maintenant et de réfléchir quand je fais une scène, combien d'axes de caméra sont nécessaires pour raconter ce que je raconte et que si ça ne justifie pas, c'est juste un mec tout seul dans sa chambre, peut-être que je peux centraliser les informations, les raconter autrement, pour faire passer toutes les informations. C'est-à-dire que justement, comme là, moi, je n'avais pas géré ça, du coup, on a dû couper des déplacements, etc. Et du coup, on a supprimé des informations. Et du coup, quand on regarde le début de la saison des engagés, il y a un vrai problème de clarté sur comment Hicham et Thibaut, ils se connaissent. Et quelle est leur relation exactement et comment ça se passe, parce que les téléspectateurs qui nous regardent comprennent que c'est censé être clair alors que c'est pas clair et du coup ils se disent mais qu'est-ce que j'ai raté et que j'aurais dû comprendre et j'ai surpris des conversations sur Twitter, c'est le côté génial des réseaux sociaux où les gens théorisaient mais peut-être qu'Hicham il a reconnu Thibaut dans le porno qu'il regarde au début. Et à ce moment-là, je vois ça, je fais « Oh putain !» Ah ouais, non, vraiment, on a merdé, les gars. Mais voilà, mais parce qu'effectivement, bah, je te dis, il retournait son tiroir, il sortait une plaquette du camping, il retrouvait un vieux numéro, il appelait le numéro, c'était plus le numéro de Thibaut, donc il tombait, ce message n'est plus attribué. Du coup, il allait fouiller, il tapait le nom sur Google. Donc là, on comprenait bien le cheminement. Bon, on comprend qu'ils se sont rencontrés au camping, qu'ils se connaissent, mais pas tant que ça, que ça fait du temps parce que le numéro a changé, etc. Et toutes ces informations-là, aujourd'hui, sont perdues. Et aujourd'hui, du coup, il faut attendre l'épisode 6 pour comprendre leur historique, comment ils se sont rencontrés. Voilà, ce qui évidemment n'est pas censé être le cas. C'est clairement voilà un exemple typique où comment l'inexpérience amène à un manque de clarté dans le résultat final parce que j'ai pas géré à l'écriture des choses que j'aurais dû savoir gérer, mais ne sachant pas faire. Comment ça s'est passé au niveau du montage ? Est-ce que t'étais partie prenante ou tu voyais les scènes une fois montées ? Comment ils t'ont inclus là-dedans ? S'ils t'ont inclus là-dedans ? Alors, donc, du coup, d'une part, j'étais effectivement sur le plateau pendant tout le tournage, avec des fois un peu d'autres choses à faire. Notamment, on a sorti le personnage de Rose pour lui faire des interviews de vraies associations. Et donc, du coup, ça, c'est moi qui filmais ça avec Anaïs. Donc ça veut dire que des fois, physiquement, je suis pas sur le plateau pendant qu'ils tournent des choses, et puis que du coup, l'intérêt de ma présence sur le tournage dans un dispositif comme je suis désengagé, qui est une petite équipe, etc., c'est qu'aussi à chaque fois qu'il y a un petit peu une petite crise, un petit problème, ben je peux être là en volant pour aller combler. Donc, aujourd'hui on a un souci, la chambre à la déco, la chambre d'Hicham, elle est pas assez réussie, il faut la refaire. Je peux faire ça. Aujourd'hui on apprend que le bar dans lequel on doit tourner lundi vient de fermer parce qu'il est sous liquidation judiciaire. Donc, il faut pendant que la prod à Paris essaye de mettre la main sur le liquidateur et de négocier avec lui de pouvoir tourner. Comme prévu, il faut qu'on trouve un plan B. Donc du coup, Sullivan et Charlotte vont visiter un décor alternatif parce que Sullivan il connaît le script et il sait comment Jules à peu près veut le réaliser parce qu'il en a parlé. Donc il a une idée de si le décor ça va convenir. Et donc du coup, on peut revenir le soir avec Jules alors que nous ça fait depuis le matin qu'on le sait et dire écoute Jules, il se passe ça, on a peut-être perdu le décor du Cap, mais attends, on a été visiter ce décor aujourd'hui. On se dit que ça correspond. Il y a ça pour pouvoir tourner ça comme tu avais prévu. Et tu peux venir le visiter avec nous demain, etc. Donc voilà, déjà, ça fait aussi partie des choses que je fais. Et par ailleurs, au fil du tournage, je reçois les rushs, en fait. Donc du coup, ouais. Je regarde les rushs. Et j'ai, donc même quand je ne suis pas sur le plateau, et puis quand je suis sur le plateau... souvent, enfin, je suis derrière le combo, mais j'ai pas forcément. Je suis pas forcément toujours parce que c'est des petits combos sur des petits plateaux ou des petits décors d'appartements, etc. Donc les conditions sont pas toujours idéales. J'ai pas forcément toujours de retour son parce qu'il n'y a pas forcément toujours assez pour tout le monde. Enfin voilà. Mais donc du coup, je reçois les rushs et je les regarde assez attentivement. Donc du coup, même quand j'étais pas là ou quand j'ai pas assez vu, j'ai une bonne conscience de ce qu'on a. Par contre, effectivement, en fait, après, moi, au montage, je suis pas impliqué. Sachant que la question qui est posée, c'est effectivement à partir de quand on me réimplique au montage. Sachant aussi qu'en fait, il y a un impératif qui s'est créé, qui est qu'on a terminé le tournage le 17 mars pour une diffusion du premier épisode le 17 mai. Donc on a 2 mois. Ouais. Pour la totalité de la post-production et pour en plus préparer la promo. Ce qui est pour 100 minutes minuscule. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs que le 17 mai, quand on lance la série, on n'a que 4 épisodes de terminés. Ouais. On en a 6 autres qui sont encore en étalo et en mixage. Et donc, du coup, on lance. Même des V de travail, des épisodes pour les montrer aux journalistes, on les a très peu de temps au lancement de la série. Enfin voilà, donc du coup ça nous place dans ce planning très tendu. Et en fait, pour le montage, en fait, il y avait 3 semaines de montage à 2 monteurs. Donc 6 semaines de travail concentrées sur 3 semaines, avec 2 semaines de travail, 1 semaine de pause que les réalisateurs ont demandé pour pouvoir réfléchir à ce qu'ils faisaient, revoir, etc., prendre du recul, et une 3e semaine de montage. Mais donc du coup, le truc, c'est qu'il y a vraiment ces délais, etc., qui sont serrés. Ils sont 2 monteurs avec 2 réalisateurs. Dans ces délais-là, je conçois aussi que c'était assez compliqué de mettre un interlocuteur supplémentaire, de me rajouter une 5e là-dedans en volant entre les 2 salles, etc. J'entends que ma place n'était pas super facile à trouver dans ce cadre-là. Qu'en plus on est toujours dans ces enjeux, c'est la première saison. Comment je réagis ? Est-ce que voilà ? Et que du coup, dans le doute, on se dit qu'on va me montrer ça. Quand ce sera déjà un peu avancé. Ce qui fait en fait que je vois un montage la première fois en fait au début de la 3e et dernière semaine de montage, le mardi de cette semaine-là, sachant qu'on le montrait à la chaîne, je crois le jeudi, ou peut-être ouais non le jeudi, donc 2 jours avant. Donc du coup, je vois un montage qui est quand même très très très très avancé. Et sur lequel il y a assez peu moyen d'intervenir, en tout cas pas sur des choses structurelles, quoi. Ouais. Donc, je donne quelques petites notes en disant ah ben il y a ça, il y a telle prise, je voudrais vraiment, enfin je pense qu'il faut la réintégrer, cette prise là il y avait, enfin je ce qui enfin ce qui veut pas nécessairement... Les réalisateurs aussi étaient dans un tel rush dans un tel truc qu'il y a, il y a des choses que peut-être ils voulaient faire ou quoi, mais qu'ils n'ont pas eu le temps. En fait, c'était vraiment le montage était, je sais qu'ils ont été très violentés par le rythme du montage, surtout qu'il y avait quand même sur certaines choses un vrai travail de montage à faire, un travail de recherche, etc. Donc du coup ils étaient dans un truc et que c'était dès que ça marchait, en gros, ils avaient tendance à passer à la suite pour se confronter au truc qui marchait pas, etc. Et donc, du coup, peut-être que le truc qui marchait, il y avait moyen de faire des trucs pour que ça marche encore mieux, mais que des fois, ils avaient pas eu forcément le temps d'explorer. Donc, du coup, moi, en arrivant sur 2-3 trucs, je sais que je peux dire, notamment, je m'en souviens. Et encore une fois, je repris ça parce que peut-être que les réals, même sans moi, ils l'auraient mis quand même parce qu'ils auraient le temps de s'y repencher. Ouais, mais en tout cas, moi, je vois dans la version une de montage. Le recul aussi de, ouais. que tu avais qu'ils avaient pas forcément à tout moment, quoi. Du coup, je sais que moi, quand, dans la version de montage que je vois le mardi, par exemple, dans l'épisode 5, où il y a la confrontation entre Najet et Hicham, en fait, sur le plateau, sur une des prises, Mehdi Mescar a improvisé le putain une fois que sa sœur est sortie. Et donc je l'ai vu dans les rushs, je l'adore. Pour moi, ça met les tripes et l'intensité de, enfin la douleur que ça a été pour le personnage de faire ça, et on comprend. Et moi, je pense que ce plan-là, il doit être dans la série. Et quand je vois le premier montage du mardi, il y est pas. Donc je leur dis non, mais le putain de Hicham, il doit absolument y être. Et encore une fois, voilà, Jules le savait que ce putain était très bien, etc. Il avait juste pas eu le temps de s'y pencher. Mais le fait que je sois là, que je mette aussi le point dessus, c'est de dire bon, bah, consacre-y le temps parce que ça va vraiment rendre la série meilleure si on a ce truc-là. Donc voilà, je peux jouer sur 2-3 petits détails comme ça, mais pas forcément davantage. Pour être complètement honnête, j'étais pas préparé à ce que du coup ce premier visionnage soit aussi violent pour moi. Ma productrice avait essayé de m'y préparer, mais je l'avais pas cru parce que je m'étais dit, j'étais sur le plateau tous les jours, je suis super content de ce qu'ils ont fait, j'ai vu tous les rushs, je peux pas être surpris autant que ça, quoi. Et en fait, je l'ai été beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Ouais. Et aussi, c'est vrai que du coup, en fait, comme j'ai pas pu accompagner le processus, que du coup pendant 3 semaines ils ont voyagé sans moi et que là je dois raccrocher les wagons en fait. Ouais. Et parce que je suis effectivement, enfin clairement, Jules et Maxime et les deux monteurs, Nathan et Nicolas, n'ont pas d'autre intention que de faire la meilleure série possible. Bien sûr. Donc ils sont arrivés à toutes les décisions auxquelles ils sont arrivés avec les meilleures intentions du monde parce qu'ils ont été confrontés à des problèmes, etc. Mais simplement comme moi, j'ai pas vu les étapes, j'ai pas vu les problèmes, etc. On se retrouve dans cette espèce de truc qui ressemble un peu à un dialogue de sourd qui dit non mais ça, cette scène que vous, qui est plus là, ah mais ça marchait pas. Ok, enfin super, mais ben je sais pas, enfin oui d'accord, ben si tu me le dis sans doute c'est sûrement vrai, mais je sais pas, moi, je l'ai pas vu, donc ouais. Dans ma tête ça marche. des étapes par lesquelles t'es certainement passé pendant le tournage. Ouais. Mais vu que t'étais là, t'étais présent. Et ben exactement, c'est pour ça que qu'au tournage j'étais aussi content que j'étais, j'étais ravi du tournage. Je pense qu'on a très peu raté de choses au tournage, mais effectivement, ben à chaque fois qu'on a transformé des choses, qu'on a bougé des choses, et ben j'étais là. Si jamais ça me posait un problème philosophique, je pouvais dire non, là on est en train de rater ça. Mm-hmm. Je sais même pas si c'est posé, je crois pas. Enfin, il y a des moments où j'ai pu défendre des trucs. Clairement, je sais pas. Enfin, c'était peut-être plus en prépa qu'en tournage, parce que mais de dire non, cette scène-là, il faut pas la compacter, la mettre en même temps que cette scène-là, parce que cette scène-là, elle est super importante, etc. Donc voilà, justement, j'ai pu intervenir et défendre les trucs, et ça, j'ai pas pu le faire en montage. Donc du coup ça crée un espèce de gap au début, et le fait que moi c'est seulement le jeudi ou le vendredi, quand j'ai vu une deuxième fois la série, quand on l'a montré au diffuseur, que pour la première fois je vois la série et je me rends compte qu'elle est bien. Ouais. Parce que le mardi quand j'ai vu la première fois, je m'en rends pas compte, c'est trop de choses, et voilà, à ce moment là je me rends pas compte que la série est bien. Ça, j'imagine que ça doit être une expérience pas très simple à appréhender, quoi. Non, c'est sûr. Et t'as l'impression de trouver, enfin de voir un truc étranger en fait. Enfin. Un peu, c'est ouais. Ça. Et c'est ça. Et vraiment, voilà, c'est ça. Et de aussi, ouais, qu'il y a eu des divergences que j'avais pas anticipées, qui sont apparues, ou que j'avais peut-être un tout petit peu commencé à anticiper, mais très très tard, quand ils étaient déjà en montage, à partir de choses que j'attendais, de me rendre compte que y avait des choses, que il y avait des divergences que j'aurais pu sentir mais que j'avais pas senti, etc., et de m'y retrouver confronté. Et avec, du coup, là vraiment, c'est un peu le fil rouge de ce qu'on raconte, mais là aussi je vis ce manque d'expérience là d'avoir jamais été dans une salle de montage de ma vie avant, d'avoir jamais eu l'expérience de voir comment des rushs sont transformés par des monteurs et des réals au montage, etc. Donc voilà, donc c'est aussi le fait que je vis ça pour la première fois et que du coup j'anticipe pas ce que ça peut devenir, et les espèces de processus et les questionnements, etc. Et vraiment, fondamentalement, hein, ce truc de pas avoir pu accompagner, c'est-à-dire que je suis aujourd'hui je pense qu'il y a plein de cas où en fait on en serait arrivé au même résultat, en fait, si j'avais été présent. J'aurais constaté les mêmes problèmes qu'eux et on en serait arrivé à la même résolution du problème. Je pense qu'il y a aussi des cas où ça n'aurait pas été le cas, mais il y a un nombre de cas importants où on en serait arrivé à la même chose. Mais le premier jour où je vois ces choses-là, en n'ayant pas fait le voyage, j'ai l'impression qu'on a changé pour changer. Enfin, je ne comprends pas le sens de des changements que je vois, et du coup, je ne peux pas, dans l'instant, comme ça, y adhérer. Donc voilà, donc c'est déjà pas mal qu'en deux jours j'ai réussi à faire le chemin et que le jeudi je me dis non, mais en fait ça va, la série a réussi. T'es content de la réception de la série, parce qu'elle était globalement quand même très très positive, comme j'ai senti. On a eu un retour qualitatif qui m'a fait vraiment très très plaisir, et qui était en plus qui a été à la fois critique, enfin je veux dire, je parle de la critique professionnelle ou paraprofessionnelle, c'est-à-dire l'univers des gens qui aiment la série, l'univers des critiques de série, l'univers des blogueurs de série, etc. Donc à la fois là l'accueil est très positif. L'accueil est aussi très positif chez les gens, c'est-à-dire que clairement, une des choses qu'on se disait, c'était « Bon, les gars, on va poster notre petite série LGBT sur YouTube. Voilà, enfin, préparons notre petite armure au moment d'aller explorer les commentaires, quoi. » Rien du tout. Je sais pas, on a peut-être 4 commentaires négatifs. Ou 7 sur 10 épisodes et sur un total qui doit... Je sais pas, il y a 300 commentaires rien que pour le dernier épisode. Et sur les autres, on est entre 60 et 80. Enfin, juste vraiment, on est confronté presque qu'à des commentaires positifs. Et le projet a aussi été très bien reçu par la plupart des militants. Ouais. Notamment, on vient juste de faire une projection au centre LGBTI de Lyon, là où on a tourné. On a un accueil très positif. Et les gens se sentent pas trahis et s'y reconnaissent. Ouais. Ça te tenait vachement à cœur ce. Ouais, un petit peu, en sachant que c'était compliqué, hein, parce que et on a eu aussi des critiques très positives sur des sites comme Yag par Xavier Hérault ou Unicorn Beauty par Christophe Martet. Christophe et Xavier sont tous les deux d'anciens militants d'ACT UP. Donc typiquement, moi c'est des petites choses où j'étais impatient de voir l'avis de ces gens-là, et j'avais aussi, j'étais aussi préparé à ce que peut-être ils puissent pas adhérer, parce que c'est toujours la même chose, c'est que c'est comme montrer urgence à un médecin, quoi. Il y a quand même un espèce de gap qui est qu'à un moment donné on fait de la fiction et que du coup on peut pas être dans une transcription systématique de la réalité tout le temps. Enfin, il y a une part de liberté quand on raconte une fiction. Et à l'inverse, parce que pour le coup, quand quelquefois on a des retours négatifs de venus de l'univers militant, c'est pour la raison inverse, qui est que moi, d'un autre côté, je voulais quand même m'affranchir de la réalité, et que du coup ça conditionnait certaines représentations dans la série. Typiquement, moi, dans les années de militance que j'ai vécu, Et ça continue encore aujourd'hui dans certains cas. Le centre LGBTI de Lyon, à l'heure actuelle, je crois que c'est un bureau à au moins 6 membres, qui sont tous des mecs. Donc voilà, donc typiquement, moi, dans ce que j'ai vécu, la mixité, elle est assez difficile à faire exister au sein des associations LGBT, y compris des associations qui se disent LGBT, enfin un centre LGBT qui a vocation à accueillir tout le monde. Donc du coup, moi, je pense que ce serait pas honnête et que ce serait faire l'autruche que de faire une série où on prétendrait que tout ça c'est facile et que les lesbiennes et les gays se tiennent la main et marchent dans la meilleure entente de l'univers, alors que c'est pas le cas, qu'il y a énormément de misogynie et qu'encore une fois la mixité elle est extrêmement dure à faire exister au quotidien. Or il se trouve que ben, mes deux protagonistes sont des mecs, parce que je suis un mec et parce que cette série là ses fondements sont assez intimes. Donc du coup mon point de départ est assez proche de moi et voilà, et donc du coup ça conditionne la façon dont on va présenter l'univers. Donc voilà, Hicham il vient d'arriver, il rejoint Thibaut. Voilà, c'est pas un hasard si le personnage de Muriel il émerge davantage dans la deuxième moitié de la saison. Oui. Parce que dans un premier temps, il y a assez peu de chances que ce soit la première personne avec qui il se retrouve à parler, etc. Et ça passe effectivement, notamment par sa sœur. Donc voilà, c'est la même chose un peu sur la question de l'enjeu des minorités ethniques. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois, Maxime est devenu Hicham il y a très très très, très longtemps. Mm-hmm. Et je trouvais ça chouette et important de faire ça. Et en même temps, il y a un vrai problème de difficulté des associations LGBT à intégrer les minorités ethniques en leur sein, les personnes racisées. Et du coup, je pense aussi que ce serait malhonnête et mettre la tête dans le sable que Hicham arrive et qu'il y ait 12 autres maghrébins et 12 noirs autour de lui, alors que c'est juste pas vrai et que les associations sont très blanches et que du coup je dois et toute la difficulté c'est que je veux pas trahir la réalité et en même temps je fais un 10 fois 10 minutes. Mm-hmm. Et que du coup mon temps est pas extensible, que comme justement je veux faire des épisodes cohérents, etc., mes protagonistes ils doivent être présents dans les épisodes, c'est assez cruel pour les personnages secondaires il faut vraiment qu'ils se battent pour exister dans ce format là Du coup, je conçois la frustration qu'on peut ressentir, en fait, que je pose ces situations, que je pose ces problèmes, que je montre bien qu'il y a du racisme dans le milieu LGBT quand on a Jet arrive, que je montre bien qu'il y a de la misogynie. Très jolie scène qu'aurait pu justement sur un format plus long donner lieu à une intrigue plus longue, le fait qu'elle arrive où elle est et que la première réaction du mec qui l'accueille, c'est est-ce que vous voyez pas, vous voyez ça, enlevez ça mademoiselle, et tout de suite la réaction de Muriel qui dit qu'en gros il a pas compris du tout le problème et que c'est pas à elle qu'il faut demander quoi que ce soit, quoi. Voilà, donc voilà, typiquement c'est on arrive à ça, c'est-à-dire comment j'arrive à faire exister ces enjeux dans très peu de temps, sachant qu'effectivement ce serait absolument passionnant de leur donner plus de temps, etc. Et juste, moi, j'ai pas l'espace pour le faire, à l'intérieur du fait que je raconte une histoire, etc. Et que si à un moment donné, on fait le catalogue des représentations où chaque personnage qui représente quelque chose arrive et dit bon, bonjour, moi je suis le bi, bonjour, moi je suis le. Et à la fin, on construit pas une fiction qui peut provoquer une réaction émotionnelle. Et que quand t'es scénariste, ton but c'est ça. Donc je marche sur une espèce de corde raide là-dessus, en sachant pleinement qu'il y a un vrai enjeu de représentation que je comprends très bien, puisque je fais cette série pour offrir de la représentation, mais que pour autant, moi, je ne peux pas offrir de la représentation à tout le monde. Non. Et encore moins à un niveau égalitaire. Alors que je sais qu'il y en a besoin, etc. Mais c'est juste pas possible, ça construirait pas une narration cohérente. Et en plus, il y a des tas de problématiques. Si à un moment donné on les traite, il faut les traiter vraiment, quoi. Oui. Pas donc, juste ben non, effleurer, on peut pas. Donc toutes ces questions-là, effectivement, ou d'autres questions, effectivement, c'est vrai, il n'y a pas de trans dans la saison des engagés, etc. Mais pour moi, c'est une problématique. Il faut y consacrer du temps. Oui, tu pouvais pas avoir le trans de service qui est dans un coin du truc sans forcément aborder le truc, juste en le laissant, ça aurait été. Moi, je voulais pas faire ça. Si le personnage a pas un truc à défendre, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que Muriel, et Najet, elles sont là quand même. Elles ont un vrai truc à défendre. Je peux structurer un épisode entier autour du point de vue de Najet, qui permet de faire vraiment monter Muriel, etc. Donc j'ai à un moment donné, parce que l'histoire me permet ça, parce qu'on raconte l'histoire du coming out d'Hicham et que du coup c'est assez naturel de se retourner vers le membre de sa famille qu'on a, sa sœur, etc. et d'explorer ça. Donc du coup le dispositif que j'ai en place me permet de traiter ça correctement. Du coup j'y vais et c'était super important pour moi, ça c'est intéressant de traiter ça. J'avais ça en termes d'intrigue que je voulais faire, qu'il a depuis longtemps, depuis des formats justement antérieurs. Et moi, j'arrive aux 10 fois 10 minutes et je sais que quand même, la sœur, je veux qu'elle soit là parce qu'elle incarne quelque chose d'important pour moi, etc. Et justement, d'expliquer cette histoire de l'universalisme du combat LGBT et que justement, c'est pas un communautarisme parce que le combat de nos militants, il profite à l'intérêt général et pas seulement au LGBT, et que typiquement ça s'incarne par le parcours de la sœur qui, par le parcours d'émancipation de son frère, s'accorde le droit de s'émanciper elle-même. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que ça incarne le fait que le combat LGBT profite à l'ensemble de la société et pas uniquement au LGBT. Donc pour ces raisons-là, c'est super important pour moi aussi, pour introduire des femmes dans cette histoire, etc. Mais j'ai peu de temps, j'intègre quand même dans mes arches, et parce que donc du coup il y avait les 5 premiers dialogués, ceux avec lesquels j'ai démarché Studio 4, et les 5 qui n'étaient pas encore écrits, et donc c'est le seul moment où j'ai fait un truc qui était des arches en fait. J'ai fait une réunion avec Studio 4 en disant bon, la deuxième moitié des épisodes il va se passer ça et ça, et là il y a un document où il y a, je sais pas, 2 pages ou 2 pages et demie de il se passe ça, en fait, à ce moment-là, je crois toujours que Najet, ça va être réparti au fil des épisodes, en fait. Et sauf que j'ai une petite voix dans ma tête et je me rends compte que ça va pas tenir, quoi. Que sinon, elle va avoir des queues de scène, des machins, que ça va pas marcher et que je vais fabriquer de la matière à coupure au montage. Ce qui a déjà été en plus un petit peu le cas parce qu'il y a des trucs à elle qui ont été coupés dans les épisodes d'après. Et je vois ça venir et je pressens que je vais pas avoir la place. Et c'est là que je me dis, en fait, le truc, c'est il faut leur donner un épisode. Bien sûr. Et encore une fois, j'ai toutes les arches, et c'est à ce moment-là que je me dis, je pense qu'il faut faire ça. Ce qui joue, c'est que à cette époque-là, donc on est à l'automne 2015, je suis en train de regarder la saison 2 de The Leftovers. D'accord. Qui est entièrement structurée comme ça, un épisode d'un point de vue de personnage. Et c'est ça qui me donne en partie l'impulsion de me dire, eh ben, il faut que j'aille dans cette direction. Et qui fait que d'une part je donne cet épisode à Najet, et que d'autre part dans la deuxième moitié de la saison, ce principe d'écriture s'accentue vachement, c'est-à-dire que les épisodes sont vachement donnés à un personnage, quoi. L'épisode 6, il est donné à Thibaut, l'épisode 7, il est donné à Hicham, etc. Ça peut se nuancer, etc. Mais, bien sûr. Mais voilà, ça devient un principe, et là c'est comment l'influence de The Leftovers rejaillit et s'incarne dans mon problème de comment j'arrive à faire exister Najet alors qu'il n'y a pas de temps pour elle. Mais je crois que c'est un gros piège du 10x10, et c'est un peu contre nature en fait, parce qu'on a tendance à vouloir donner du temps à nos personnages et les faire évoluer sur une arche qui va de l'épisode 1 à l'épisode 6, mais en fait le 10x10 permet pas vraiment ça, en tout cas quand on a beaucoup de personnages à introduire. Évidemment, il le permet sur les protagonistes. Voilà. Mais sur les personnages secondaires, si on ne centre pas, en effet, c'est il a 30 secondes là, puis il en a 20 là, et à la fin de la saison, il a fait quoi au fait? Tu t'en souviens pas, tu ne s'imprime pas. Et le seul moyen, c'est de mettre la lumière un peu plus sur quelqu'un à un moment, puis sur un autre, puis sur un autre, plutôt que de diluer complètement le propos. Totalement. Ce qui fait qu'on voit bien que développer le 10x10 minutes, c'est développer une vraie, vraie écriture sérielle avec une absolue individualité des épisodes. Ouais. Et que c'est contraire vraiment au film découpé en 10 morceaux. Parce que c'est-à-dire que tout en convenant que c'est agréable de regarder les 10 épisodes désengagés à la suite, juste parce qu'on peut s'immerger dans l'univers, etc., si on ne met pas les génériques, si on essaye de faire croire que Les Engagés c'est un film et qu'on monte les 10 épisodes bout à bout, les gens penseraient vraiment que je suis un malade mental. ça n'aurait aucun sens en fait. C'est complètement hystérique. Ça change de point de vue, comme une girouette. Allez, 10 minutes avec lui, 10 minutes avec lui. Je l'oublie, je reviens à cette intrigue. Mais il y a plein de gens qui me disent, on pourrait monter de ça comme un film. Ça, non, on ne peut pas. Je vous jure, ne marcherait pas. Mais il refaut 3 mois de montage. Il faut tout refaire, quoi. Il faut repartir au début au montage. Et franchement, c'est une galère. Et je pense que sans pick-up, même avec du beaucoup de bon montage. Ça serait compliqué. Je pense que c'est compliqué, surtout qu'on n'a pas de sécurité, hein. On n'a pas de marge. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est venu plusieurs fois, notamment quand ce qu'on a édité en DVD et l'éditeur de DVD, dans l'absolu, il aimerait bien monter un programme. Ça, je lui dis non, ça marche pas. Tu mets une option lecture en continu si tu veux, et plein de gens la regarderont comme ça, de la même manière que plein de gens mettent leur DVD et regardent les 4 épisodes qui sont sur le DVD à la suite. On n'est pas à l'ère du binge-watching pour rien, mais le fait d'avoir les cartons marque le chapitrage. Bien sûr, d'une façon qui est totalement indispensable et qui vraiment pourrirait le visionnage s'il n'y avait pas ça. Franchement, ce serait incompréhensible que cut d'une scène à l'autre. Ça n'aurait aucun sens. Même, parce que je la regarde en ce moment, je regarde à peu près que ça en ce moment, même sur saison 3 de Twin Peaks, que David Lynch affirme être un long film de 18 heures, ça reste une série. Je suis désolé, mais en effet, à la fin d'un épisode, il y a un sentiment, non pas de clôture générale, parce que le propos est très dilué, mais il y a quand même une identité à l'épisode, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et non, ça ne fonctionnerait pas en gros bloc de 18 heures. Gros bloc de 18 heures. Non, mais il faudrait être... Venez au cinéma avec votre bouteille. Vide la bouteille, hein. Une bouteille pleine, une bouteille vide, quelques doliprane, 2-3 antidépresseurs, du guanzan, enfin, on est chargé à bloc un peu. Ah, c'est beau l'avenir des séries modernes. Ouais. Non, des longs films de 18 heures. Des longs films de 18 heures. Même ça, c'en est pas un, c'est autre chose. Oui, parce qu'à un moment donné... C'est une logique de production, c'est que lui, il part tourner 6 mois, ensemble, etc. Et en termes de plan de travail, oui, c'est un long film de 18 heures. Voilà, et nous, effectivement, on a tout tourné, on a tout cross-bordé, etc. Machin, mais l'écriture, elle joue un rôle, et que tout David Lynch qu'il est, il a toujours son Mark Frost dans les parages. Et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui structure un petit peu le bazar, quoi. Et qui est probablement pas David Lynch pour la structure. Non. Non. Je pourrais parler des heures de la saison 3 de Twin Peaks que j'adore, mais bref. C'est un autre sujet. Podcast. C'est ça. On est déjà un petit peu là. Oh, je parle beaucoup, tu crois? Tu veux qu'on parle de Star Wars? Petite référence à un podcast enregistré avec Yael Simkovic l'année dernière sur Star Wars Le Retour de la Force, qui durait 3h30 découpé en 3 morceaux. Là, pour le coup, je peux dire que c'est un long podcast découpé en 3 épisodes. On l'avait pas séquencé en épisode, celui-là, à la base. Non, c'était pas juste parler très très longtemps, c'est ça. Justement, on va boucler. Est-ce qu'il y a déjà une bonne nouvelle sur une saison 2? Est-ce qu'il y a un prémisse de travail sur une saison 2, en tout cas? Ah, il y a un prémisse de travail, oui, mais en fait, du coup, c'est la production qui a pris l'initiative très tôt de se dire, sur les séries en France, on part toujours en écriture trop tard, et qui, du coup, m'a fait produire un premier petit texte sur qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir dans la saison 2 en janvier, avant qu'on parte en tournage de la saison 1. Voilà, donc ce texte vaut ce qu'il vaut, parce que j'avais quand même pas complètement l'esprit à ça à ce moment-là, mais en même temps il posait les bases des intrigues qui sont effectivement les intrigues qui seront traitées, hein. Mais c'était une espèce de toute première étape, et maintenant là depuis grosso modo le début de la diffusion de la série. Un petit peu avant même, mais un peu avant, c'était un peu trop tôt. On a pu lancer de manière un peu plus approfondie le processus. Voilà, sachant qu'on est toujours à l'étape où c'est le producteur qui prend l'initiative de ce travail d'écriture. Ouais. Et que là, justement, on atteint l'étape où on retourne voir notre diffuseur et qu'on lui présente nos premières esquisses et nos pistes. Et qu'on lui demande si ça l'intéresse et de rebondir avec nous dans cette direction-là. Donc voilà, grosso modo, on en est là. C'est-à-dire que, qu'évidemment, moi, j'ai conçu ça comme une série avec l'envie que ça s'inscrive dans le temps, que mon producteur était plutôt parti dans cette idée-là et qu'il a mis les choses en action en ce sens très tôt. Et que maintenant, il faut que toutes les autres éléments s'alignent. Il faut que notre diffuseur ait envie de le faire. Il faut qu'il estime que les chiffres de la saison 1 le justifient. Il va falloir que nos deux acteurs trouvent que c'est une bonne idée. Et nos deux, je parle les principaux, mais dans l'absolu, les autres aussi. Et il va falloir qu'on retrouve le moyen de financer une saison désengagée. Sachant que c'est jamais simple, que vraiment... la saison 1 désengagée, elle se produit dans le minimum des conditions possibles pour produire ça, quoi. Et qu'on sait que structurellement en France, il peut y avoir une difficulté de financement d'une saison 2. Parce qu'on a des partenaires qui rentrent sur une saison 1 et qui disent « Ah ben, on a aidé à créer un truc, c'est plus notre taf de venir aider la saison 2. » Mais oui, mais comment est-ce qu'on pérennise ? Donc tout ça pour dire que dans des projets qui sont aussi fragiles économiquement, c'est jamais simple et rien n'est jamais évident, rien ne va jamais de soi, et qu'on recommence à chaque fois une aventure exactement comme la première, quoi. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on me lance en écriture assez tôt, c'est pour avoir des textes assez tôt pour pouvoir passer les mois qu'il faudra pour franchir les commissions et les machins pour récolter l'argent. Bon, ça reste quand même des bonnes nouvelles et puis une jolie prise de risque de la production. Donc, même tout si c'est très désagréable au micro, donc je ne vais pas applaudir, mais je le pense. Et bah justement, moi, on sait ce que je regarde en ce moment, mais toi, qu'est-ce que tu regardes en ce moment ? Quel genre de série tu consommes ou... Alors, du coup, c'est vrai que j'ai été un petit peu occupé ces 3-4 derniers mois. Étrange. C'est étrange, hein. Du coup, j'ai un peu baissé ma consommation. C'est drôle, mais enfin, c'est drôle sans être drôle, parce que ça noie le truc, mais notamment, enfin, vraiment, la phase de tournage, des engagés, etc., où j'avais vraiment le temps de rien regarder. Ouais. Où, du coup, ma fenêtre de visionnage, c'était dans mon lit le soir. Avec la chance que je m'endorme avant la fin de l'épisode qui était assez conséquente et du coup ce que j'ai regardé et que j'ai continué à regarder parce que j'avais pas vu cette série en fait à la base et que du coup je m'en suis lancé c'est Gilmore Girls. Okay, cool. Donc voilà j'ai cette saison de Gilmore Girls, je dois être rendu dans la deuxième moitié de la 3 là maintenant. C'est un hasard et pas un hasard parce qu'effectivement c'est une série de personnages aussi avec l'idée d'être vraiment auteur d'homme. Ça m'a un petit peu accompagné pendant ce temps-là. J'ai réussi à être à jour sur The Leftovers. Je viens de finir la saison 3, le dernier épisode, qui est effectivement, moi, que j'ai trouvé assez magnifique et que je trouve super intéressant dans l'évolution du travail d'auteur dans Lindelof, en fait. Ouais. Comment, sur Lost, il donne des intentions qui ne correspondent pas à ce qu'il a fait. Mm-hmm. Qu'il en a pleinement conscience parce que foutre que cet homme est intelligent, oui. Et qui du coup quand il fait après The Leftovers, il dit non mais cette fois-ci je le fais pour de vrai, et tout le bullshit qu'on a raconté sur c'est pas la destination, c'est le voyage avec les personnages qui est le plus important, qui concernant Lost est absolument du bullshit parce que Lost est absolument pas character driven pour le coup. Mm-hmm. Les personnages sont tout le temps tordus pour correspondre à l'intrigue qu'ils ont envie de raconter au moment donné. Et ben ça, c'est pas du tout le cas sur The Leftovers, où là, on a une vraie série où c'est les personnages qui sont au centre, et du coup, on termine en se recentrant sur eux de la plus belle des façons possibles, et on sent un épisode où on a que nos deux personnages centraux, donc qui était vraiment chouette. Donc j'ai vu ça, j'ai vu The Good Fight, parce que j'adore tellement The Good Wife que j'ai réussi à suivre... The Good Fight, qui est aussi plutôt vraiment réussi aussi. Mm-hmm. En plus, on voit bien... ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve vraiment l'univers de The Good Wife, mais on voit bien, on commence à bien voir, notamment quand on avance dans la saison, en quoi vraiment c'est une série différente. D'accord. Que thématiquement, elle a ses propres sujets, qu'elle traite d'autres façons, qu'elle traite de quelque chose d'autre. The Good Wife, c'est vraiment la quintessence de l'écriture thématique. C'est une série sur la fin de la vie privée qui explorait ça sous plein d'angles différents. Voilà. Donc, c'était un peu une question que je pouvais avoir, The Good Fight. Est-ce qu'il y a suffisamment de conscience de ça? Est-ce qu'ils ont un autre sujet à traiter, un autre angle, etc.? Et plutôt oui. Donc ça, c'est assez intéressant. Je pense que la saison 1, elle est pas parfaite. Il y a certains déséquilibres. Et une des transformations qu'ils font par rapport à The Good Wife, c'est de passer de une à trois protagonistes. Oui. Et tout ça en ayant beaucoup moins d'épisodes parce qu'il n'y en avait que 10. Mmh. Et du coup, je pense qu'il y a encore un équilibre à trouver là pour trouver la formule parfaite. Mais dans l'ensemble, ça m'a bien plu et je trouve que ça fonctionne bien. En gros, ça a été à peu près l'essentiel de mes visionnages ces derniers temps. T'en as déjà vu plus que moi, en fait. Finalement. Merci beaucoup, Sullivan. On croise les doigts pour une saison 2. La saison 1, Désengagée, est disponible en DVD. En DVD chez Optimal, en VOD, notamment sur Queer Screen, qui est le Netflix LGBT, en gros. D'accord. Et toujours disponible sur Studio 4, la plateforme de webfiction de France Télévisions. Donc, ils ont un site Studio 4, ils ont une chaîne YouTube Studio 4. C'est là que vous trouverez nos épisodes. Et si jamais vous êtes à l'étranger, nous sommes aussi diffusés sur TV5 Monde et du coup repris sur la plateforme de rattrapage, qui c'est un site qui s'appelle tv5mondeplus.com, sur lequel vous pourrez retrouver les épisodes dans la plupart des pays du monde, hors Suisse et Belgique, puisque en Suisse et Belgique, c'est le même canal que la France, et TV5 Monde nous diffusera sur ce canal-là dans 6 mois, parce qu'il récupère les droits sur ces territoires qu'à ce moment-là. C'est compliqué, la télé. Et donc, malgré toutes les possibilités légales de voir la série pour 0€, malgré tout, tu t'es épanché sur les réseaux sociaux pour dire que tu as été piraté. Je tiens à te féliciter là-dessus, parce que je pense qu'en effet, comme toi, que c'est un accomplissement assez... même si depuis, visiblement, il y a eu une descente des flics sur le site. C'est le site qui nous piratait a fermé. Je tiens à dire que c'est pas moi qui ai porté plainte. Je ne suis pas responsable de cette affaire. Donc, moi, je vous conseille de la regarder et de façon légale, parce que là, pour le coup, vous n'avez pas à vous abonner à une chaîne qui va vous coûter 10€ par mois ou, pour l'instant, payer 50€ pour la voir. C'est disponible gratuitement. Je vous engage, si vous l'avez aimé, à la prendre en DVD. Mais voilà, elle est disponible, elle est là, elle existe, elle est facile à trouver. Et moi, je vous dis, un de ces jours, je ne sais pas quand est-ce que Dialogue d'auteur renaîtra de ses cendres totalement. Le dernier numéro doit dater de 6-7 mois, je crois. Ouais, je crois que je l'ai sorti à Noël. Il y a eu des petits problèmes d'hébergement qui existent toujours. Il y a d'autres soucis à gérer à ce niveau-là. Beaucoup moins de temps de ma part. Mais c'est, comme vous l'entendez aujourd'hui, toujours un projet qui me tient à cœur. Donc j'espère recevoir bientôt d'autres scénaristes et que vous pourrez les écouter sur les plateformes habituelles. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et merci encore, Sullivan.